Vous êtes à l'écoute de l'émission La Rédac du Sport. Bonsoir chez vous, bienvenue, il est 20h33, ravi de vous retrouver pour la Rédac du Sport. Vous êtes en direct sur Radio Arc-en-Ciel et on est le lundi 27 janvier, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission avec plein de choses encore ce soir, avec le programme tout de suite sans plus attendre, le sommaire de l'émission, du foot, bien entendu, les Coupes d'Europe, la Ligue des Champions, les matchs de Paris, de Monaco, de Lille, de Brest, en Ligue Europa aussi, Lyon et Nice. On reviendra sur tous ces matchs de la semaine. Et puis bien sûr, la dernière journée, mercredi soir, avec un multiplex géant, on en reparlera tout à l'heure, avec Hugo qui nous rejoindra. Notre tour d'Europe européen, bien sûr, des championnats, ce sera aussi tout à l'heure. Et la journée de Ligue 1, bien sûr, qui s'est conclue hier avec la défaite de Marseille. On reviendra sur d'autres résultats aussi, il y a eu des surprises ce week-end. On y reviendra donc avec Hugo tout à l'heure. Du tennis aussi, la victoire de Yannick Sinner en finale de l'Open d'Australie qui remporte son troisième Grand Chelem, le deuxième consécutif à l'Open d'Australie. Il a battu en finale Alexander Zverev en trois manches. On en parlera tout à l'heure de cette victoire de l'Italien, puisque jamais numéro un mondial. Bien sûr, on parlera aussi de l'Open d'Australie chez les femmes. Là aussi, il y a une surprise, hein, puisque on attendait la victoire dans le tournoi de la numéro 1 mondiale. Malheureusement, elle a été battue. Enfin, malheureusement pour elle, elle a été battue. La numéro 1 mondiale, Sabalenka, a été battue en 3 manches. C'est Madison Keys, américaine, s'est imposée en 3 manches. Donc, on le débrief tout à l'heure. Du rugby, le début du tournoi des 6 nations. Eh bien, ce sera ce week-end. On présentera l'affiche France-Pays de Galles pour le rugby. Donc, le basket, défaite de l'OLB qui fait un petit peu tâche, hein, deuxième défaite consécutive en Pro B. On va y revenir. En revanche, qualification en cours peut-être pour la finale de la Leaders Cup, puisque Orléans s'est imposé à l'extérieur au match aller mardi, et le match retour sera demain. On le présentera. Et le débrief biathlon avec la semaine qui nous a tenu en haleine avec les belles performances françaises, on en parle aussi. Et le handball, bien sûr, quart de finale demain pour l'équipe de France. Donc, de handball masculin qui s'est qualifié. Donc, on va en reparler, bien sûr, juste après. Mais démarrons tout de suite. Et puis les directs aussi, bien sûr, avant de démarrer le programme. Maintenant 10 minutes, ce sera la Ligue 2 à l'honneur, puisque c'est la 20e journée de Ligue 2 qui se conclut ce soir avec le match Annecy-Dunkerque. Annecy, 7e, reçoit Dunkerque, 6e. Un match important quand même pour le podium, hein, en vue du podium, avec une victoire de l'un ou de l'autre qui pourrait permettre à cette équipe de revenir à un point seulement du podium, donc c'est et de la deuxième place également. Donc un match très important donc pour les deux équipes. En Espagne, on aura à 21h Alavés Celta Vigo, entre le 17e et le 13e, un match très important pour Alavés, bien entendu. Et puis donc en Italie, dans là aussi à 20h45, le Genoa, 12e, reçoit Monza, Lanterne Rouge. Un tout petit peu plus tôt, tout à l'heure, Venise et Vérone se sont quittés avec un match nul de 1 partout, là dans un match là aussi de bas de tableau. Et pas de match anglais ce soir, là on aura la Ligue 2, l'Espagne et l'Italie au programme de la soirée. Mais sans plus attendre, démarrons avec notre débrief biathlon. C'était l'étape italienne qui se déroulait à la dernière avant les championnats du monde, hein, ça y est, championnat du monde, on en reparlera bien sûr juste après, mais c'était la dernière avant également cette petite trêve entre les deux. C'était donc à Antols, cette étape italienne, donc Antols Anterselva. Des belles performances françaises, hein, puisque la française Lou Jomondo s'est imposée lors du sprint femme. Elle a noté aussi les belles performances des autres françaises, Julia Simon 5e, Jeanne Richard 6e, Jeanne Michelon 7e. Ouais, on a eu un beau tir coupé. Bravo à Lou Jomondo qui s'est imposée dans la poursuite d'ailleurs, autour d'un 19/20. Elle a remporté cette poursuite. Derrière, on retrouve Julia Simon 2e, et au pied du podium, Jeanne Richard et Jeanne Michelon. Elles ont bien aussi tenu les autres françaises, puisqu'elles sont 4 et 5e. Francisca Preuil s'en sort plutôt bien, parce qu'elle termine quand même 3e, limite la casse au général. Ça s'est moins bien passé chez les hommes, en tout cas pour l'individuel, puisque c'est Tarjei qui s'est imposé lors du sprint. D'ailleurs, il a annoncé le Norvégien, après cette victoire, qu'il mettrait un terme à sa carrière en fin de saison, comme son petit frère d'ailleurs, Johannes Bø. Il s'est imposé donc devant Simon Lagred, à 4 dixièmes près, et c'est Tommaso Giacomel, l'Italien, qui s'est imposé 3e, et la poursuite, elle, remportée par Lagred, donc sur Lagred, qui s'est imposé devant Tarjei Bø pour une poignée de secondes, avec une erreur de trop pour le plus ancien des Norvégiens, encore en course. Et puis les Français moins bien, hein, Eric Perrault 7 et 8e pour Quentin Firmaier. En revanche, c'était très très bon pour le relais français masculin, qui s'est imposé une nouvelle fois, 4e victoire consécutive dans un relais devant la Norvège, loin devant, hein, presque une minute d'avance. La Suède termine 3e finalement. 4 pioches seulement pour les Français, c'est l'une des meilleures performances de la saison pour eux. Seulement 4 petites pioches, donc, qui leur permet de nouveau à s'imposer dans ce relais. C'est un sans faute pour eux, hein. Ils ont remporté tous les relais, de bon augure avant les mondiaux. Et chez les femmes, 3e place pour les Françaises. On retrouve ensuite la Norvège 2e et la Suède 1ère. Pas de surprise, c'est juste l'ordre qui a été inversé par rapport au dernier relais. Mais la France quand même 3e avec 8 pioches. C'est un petit peu trop pour espérer la victoire sur ce relais. C'est la trêve donc, puisqu'on retrouvera maintenant donc tout ce beau monde au championnat du monde en Suisse. Ce sera à Lenzerheide, donc du 12 février au 23 février. On aura toutes les épreuves, hein, bien sûr, l'individuel, le sprint, la poursuite, la mass start, et puis les relais hommes-femmes, mixtes, simples mixtes. Voilà, donc tout sera au programme. On en reparlera bien sûr d'ici là de ce grand programme qui nous attend avec des Français bien en forme. On espère des belles médailles encore au bout. Le classement homme, alors on rappelle que les championnats du monde ne comptent pas pour le classement. Donc on va donner le classement et ensuite eh bien ça reprendra que début mars, hein, que le classement ne bougera pas d'ici là. C'est Lagret, donc Sturla Lagret qui a pris le leader du général devant NSB, là aussi au hauteur d'un, on n'a pas parlé, mais d'une semaine plus compliquée. Hein. Voilà, donc il a pas pris de gros points, Yannis Beu, seulement 9e du sprint, et en ce qui concerne la poursuite, là aussi, il était un petit peu moins bien, il était 6e, donc il a perdu quelques points. C'est donc Sturla Lagret qui a pris la tête pour 50 points. Éric Perrault, 3e, et Emilien Jacquelin, 4e, ils sont pas très loin, hein, on peut encore espérer revenir, il reste beaucoup d'étapes encore. D'ailleurs, la prochaine en Coupe du Monde, ce sera Nové Město en République Tchèque, donc je vous l'ai dit, début mars. Voilà, et puis un mot de ski alpin, puisqu'on a une victoire française encore une fois. C'est Clément Noël qui s'est imposé de nouveau lors du slalom qui avait lieu à Kitzbühel en Autriche. Le français, donc, qui n'est pas leader du général, mais qui est leader, en tout cas, du classement du slalom, le français. C'est une belle réussite pour le français qui a remporté déjà 4 slaloms depuis le début de la saison. Et donc, c'est lui qui est le premier sur ce classement. Slalom. Donc bravo en tant que encore une fois à lui, hein, qui est le spécialiste de cette catégorie. Et puis sur le général, c'est Marco Dermat, bien sûr le Suisse, qui est largement en tête. On referme cette page. Un petit mot, tiens, c'était le retour du championnat du monde des rallyes aussi après la fin du Dakar. Eh bien, c'était le retour du rallye championnat du monde de WRC à Monte Carlo, comme chaque début de saison. C'est Sébastien Ogier qui s'est imposé pour la 10e fois de sa carrière à Monte Carlo et qui peut-être va avoir envie de plus cette saison et de faire peut-être une saison complète pour peut-être aller chercher un 9e titre de champion du monde. En tout cas, c'est lui qui s'est imposé lors de cette première étape, le français, devant son coéquipier, à chez Toyota, Elfyn Evans, le britannique. Donc en tout cas, belle victoire pour le français. Prochaine étape en Suède dans 15 jours. On poursuit avec du handball maintenant, la suite des championnats du monde masculin qui se passe très très bien pour les Français, auteur d'un sans faute jusqu'à maintenant, les trois matchs du tour principal remportés, hein, la Hongrie 37-30, les Pays-Bas 35-28 et la Macédoine du Nord 32-25, toujours plus de 30 points à chaque fois, hein, pour les Français, hein, depuis le début de ce championnat du monde. Donc c'est vraiment une grosse performance pour le moment. Alors c'est vrai que les adversaires ne sont pas forcément les plus gros adversaires jusqu'à maintenant, mais malgré tout il y a toujours plus de 30 points marqués, donc la France est vraiment bien qualifiée pour les quarts de finale qui auront lieu demain et mercredi. La France jouera face à l'Égypte, donc demain, notez bien, c'est 21h le rendez-vous voilà pour cette rencontre. Et puis il y aura également Croatie-Hongrie à 18h, mercredi Danemark-Brésil et Portugal-Allemagne. Donc des grosses surprises, le Danemark s'est qualifié dans l'autre partie de tableau, logiquement, mais derrière que des surprises, la Norvège, la Suède et l'Espagne ont été éliminées dès le tour principal. Donc c'est vrai que de l'autre côté, le tableau est très ouvert, hein, vous voyez, hein, Danemark-Brésil, donc normalement une formalité pour le Danemark, et puis Portugal-Allemagne, l'Allemagne est un petit peu au-dessus normalement, mais c'est vrai que les cadors ne sont pas là. Et puis du côté de la France, bah France-Égypte donc, et puis Croatie-Hongrie de l'autre côté, normalement la France devrait, en toute logique, si la logique est respectée, se qualifier, sortir de ce côté-là et aller chercher la finale. Voilà, on va pas bien sûr trop s'avancer, mais en tout cas ils ont normalement le niveau pour aller en finale, et depuis ce qu'on a vu aussi depuis le début de la compétition, il n'y a pas de problème en tous les cas, même si c'est vrai qu'au JO il y a eu une surprise avec l'Allemagne qui a sorti l'équipe de France en quart. Donc on verra. En tout cas, l'Égypte déjà demain, premier rendez-vous, première étape, ce sera diffusé en clair sur TFX demain à 21h, donc si vous voulez voir l'équipe de France de handball, c'est demain à partir de 21h sur TFX. Et puis après derrière, eh bien ça s'enchaînera avec, on l'espère, évidemment la suite et les demi-finales déjà qui auront lieu à partir de jeudi et vendredi. Probablement vendredi d'ailleurs, les deux matchs. Et puis la finale qui aura lieu dimanche. Donc voilà, pour clôturer ce mondial avec, on l'espère, une très belle et affiche France-Danemark. On le verra. En tout cas, petite incertitude aussi pour Ludovic Fabregas, malade, hein, et qui est incertain pour le quart de finale face à l'Égypte. Voilà, donc on verra s'il sera présent, mais en tout cas pas de blessure, hein, c'est juste une petite grippe, donc on espère qu'il sera de retour assez rapidement pour retrouver ce groupe France. Voilà pour le handball, en tout cas international chez les en France pour en ce qui concerne nos clubs féminins. Eh bien, chez les deux clubs français en Ligue des Champions, je vous l'ai dit, ça se passe plutôt bien pour l'instant pour Metz et pour Brest, toujours Metz toujours leader. Il reste 3 rencontres avant la phase de poule, donc il y aura une petite pause cette semaine, mais ensuite on retrouvera les 3 dernières affiches pour se qualifier donc pour la suite de cette Ligue des Champions féminine. On enchaîne avec du basket, je vous le disais, contre-performance une nouvelle fois pour l'OLB qui a été battu donc lors de cette journée de Pro B à hier Toulon, 81-71 face à un adversaire, je vous l'avais dit, hein, en classement qui était normalement largement à sa portée. Drôle de fin de match, hein, pour les Orléanais, hein, battu de 10 points, voilà, qui n'a jamais été dans le coup dans ce match et qui s'incline donc une deuxième fois consécutive après la semaine dernière déjà. Il y avait eu une défaite, c'était à domicile pour quelques points, pour 2 points face à Saint-Chamond, donc deuxième défaite consécutive. C'est attention, Orléans qui chute à la 3e place, à égalité avec Rouen et avec une victoire de retard sur Boulzac qui est toujours le leader de cette Pro B. Donc attention de pas perdre trop de points, même si on le sait, il y aura en fin de saison un play-off pour se qualifier, enfin pour essayer de monter en Pro A, mettre clic élite, mais en tout cas attention de ne pas perdre trop de points quand même dans cette suite de saison. Une victoire quand même dans la semaine pour Orléans qui a remporté le match aller de la Leaders Cup donc à l'extérieur, donc c'était face à Rouen. Et donc deuxième match demain pour Orléans, donc 82-68, hein, voilà, large victoire. Alors rappel, il n'y aura pas de troisième match, même si Rouen s'impose au retour, ça se jouera au nombre de points, donc pour l'instant net avantage à Orléans qui a gagné donc de plus 14, donc il faudra garder cette avance pour essayer de se qualifier donc pour la finale. Donc là ce sera donc demain soir le match retour à domicile. Voilà, donc à domicile ce match retour, et ensuite on espère une finale donc à domicile, hein, allez-y, hein, si vous pouvez donc demain à Comet Arena, et puis la finale le 16 février, on espère qu'ils y seront pour jouer le titre. Donc ce sera quand la finale. Voilà pour Orléans, donc on espère maintenant un rebond donc en championnat, donc demain la demi-finale retour, et puis on espère ensuite enfin une victoire après 2 défaites. Ce sera vendredi à domicile, donc il y aura 2 matchs à domicile cette semaine, hein, vous l'aurez compris, demain demi-finale le retour de la Leaders Cup, et ensuite vendredi à 20h réception de Aix-Maurienne qui est 5e, donc c'est vraiment un match qui compte, qui va compter, hein, donc il faudra absolument gagner ce match, hein, pour rester au rendez-vous. Donc le rendez-vous, deux rendez-vous, donc demain face à Rouen 20h, donc Comet, et ensuite je vous l'ai dit, vous aurez donc rendez-vous avec l'autre match face à Aix, ce sera pardon samedi, hein, je vous dis vendredi, c'est samedi soir 20h, donc pour donc cette deuxième rencontre de la semaine. Voilà pour la Pro B en élite, petite élite, et bien pas de mouvement en haut. Cholet, Paris et Lazel sont toujours co-leaders à égalité. Monaco juste derrière, qui revient bien. Et puisqu'en ce qui concerne l'Euroleague, eh bien, Monaco reste 3e. Paris chute un petit peu et 5e de ce championnat, alors que Lazel, toujours du top 8, hein, qui est 14e. Donc 3 nouveaux rendez-vous cette semaine pour la 24e journée. On rappelle qu'il y a 34 journées. Jeudi, vendredi, donc pour Monaco, réception du Real Madrid, grosse affiche, hein, pour eux, qui est juste derrière, qui est 6e. Et puis Paris jouera face à l'ASVEL, voilà, en duel 100% français dans cette Euroleague. Un tout petit mot de NBA pour vous dire qu'à l'Est, c'est Cleveland qui est toujours leader. Et Boston deuxième, New York troisième, et puis à l'Ouest, Oklahoma City, Houston et Memphis sont sur ce podium. On rappelle qu'il y avait également ce week-end deux rencontres qui avaient lieu à Paris, deux rencontres de NBA avec les Spurs, que deux belles affiches face à Indiana. Les Spurs ont remporté le premier match largement, et puis ils ont été battus largement au retour. Hein. Ça a été du beau spectacle, donc à la Accor Arena en tout cas. Donc dans ce qu'on appelle les NBA Paris Games, et donc grosse défaite pour retour, enfin sur le deuxième match, 136-98 hein, pour les Pacers d'Indiana, et sur le match précédent, c'est les Spurs qui avaient remporté largement le match, face à Indiana. Je l'ai pas ici, mais en tout cas il y avait une grosse victoire lors du premier match, 140-110. Voilà, grosse victoire sur ce premier match. En tout cas, des matchs qui étaient surtout là pour le spectacle. Donc, vous l'aurez compris, à l'Accor Arena. On referme cette page basket. On va du côté du rugby. C'était la dernière journée de top 14 avant le début du tournoi de 6 nations. Toulouse reste deuxième. Malgré sa grosse victoire face à Montpellier 27-17, c'est Bordeaux-Bègles qui reste leader à la faveur de son bonus défensif. Il y a une défaite à domicile, 22-20 face à Lyon. Ça, c'est un mauvais résultat en revanche pour Bordeaux-Bègles, mais grâce à son essai, à son point de bonus défensif, il reste leader. Ça se joue à peu de choses. Hein. En tout cas, les deux clubs sont à 51 points. Toulon suit derrière après sa victoire face à La Rochelle hier soir, qui est à 48 points, puis Bayonne, après il y a un gros écart, hein. Bayonne 4e, 39 points, vous l'aurez compris, les trois premiers se détachent, et ensuite on en retrouve Bayonne, Clermont et La Rochelle, de la place 4 à 6, pour l'instant les qualifiés hein, pour les playoffs, et puis en bas, le Stade français a été battu à Vannes, 33-26, Vannes revient à 4 points du coup du Stade français en tout bas de tableau, le Racing est 12e pour le moment. Pas de journée cette semaine ni la semaine prochaine, puisque le début du tournoi de destination, ça y est, c'est parti avec France-Pays de Galles vendredi soir, 21h15, cette affiche, voilà, pour lancer le tournoi. Et puis on aura également donc le dimanche Écosse-Italie à 15h15 et Irlande-Angleterre, déjà un gros match pour démarrer le tournoi à 17h45 dimanche. Donc voilà les trois affiches de ce début de tournoi de destination. Et on espère voilà, enfin un destination remporté par ce 15 de France après deux victoires consécutives de l'Irlande. Voilà, donc qui ont remporté les deux dernières éditions. Hein. La France qui a été terminée deuxième à chaque fois. Donc on espère que la France va retrouver la victoire après le titre de 2022. Donc ça démarre vendredi face au Pays de Galles. Et puis on termine avec du tennis. Tennis avec, je vous le disais tout à l'heure en ouverture. Juste un petit mot avant de passer au tennis, un petit mot de rugby toujours en National 2 pour le RCO qui renoue avec la victoire après une journée un petit peu difficile la fois d'avant. Hein, le RCO qui avait été battu lors de la 15e journée. Et ça va mieux pour Orléans qui enchaîne là une victoire. C'était hier, samedi soir, victoire face au Châteauneuf du Pape, 31-10 pour le RCO, qui reprend les commandes du classement devant Rennes. Voilà, donc un petit point d'avance, puisque Rennes n'a pas joué, hein, le match a été reporté, donc ce qui fait que pour l'instant, c'est Orléans qui est leader à la faveur de sa victoire hier, 62 points et Rennes 61 points, donc pour l'instant en tête de ce classement. 17e journée, ce sera ce week-end, le RCO se déplacera à Mâcon, ce sera donc dimanche c'est ça, cette rencontre pour le compte de la 17e journée, donc déplacement à Mâcon dimanche à 15h30, voilà, pour RCO essayer d'enchaîner une nouvelle victoire. Mâcon 9e, voilà, pour l'instant, donc en bas de tableau, donc il serait de bon ton de s'imposer dans cette rencontre. Voilà pour le RCO, disons qui va plutôt bien, hein, qui va plutôt bien avec cette, pour l'instant, cette première place cette poule de National 2 en rugby. Du tennis, je vous le disais donc juste avant, l'Open d'Australie qui se termine, s'est terminé avec la victoire donc de Yannick Sinner qui s'est imposé une nouvelle fois en Australie, la deuxième victoire consécutive, troisième titre dans sa carrière. Il a disposé en finale de Alexander Zverev en 3 manches, 6-3, 7-6, 6-3. Voilà, il y a eu un petit peu de match dans le deuxième set. Et c'est vrai qu'Alexander Zverev qui a manqué de réussite sur certains points, notamment sur un point du tie-break à 4 partout, hein, où Yannick Sinner a eu un petit coup du sort pour remporter un point avec la bande du filet. Et derrière, Yannick Sinner qui s'est envolé ensuite dans le troisième set. Et il s'impose donc une nouvelle fois et il aura laissé en route deux petits sets seulement dans ce tournoi, donc un au deuxième tour et un en huitième de finale, sinon il aura été impérial l'Italien. Nouvelle défaite en revanche en finale pour Alexander Zverev, troisième défaite en trois finales. Je rappelle que Novak Djokovic a dû abandonner à la fin du premier set de la demi-finale face à l'Allemand, alors qu'il avait été battu dans le tie-break. Et le Serbe qui souffre de la cuisse. Et voilà, on ne sait pas encore totalement sa durée d'indisponibilité, mais il ne sera pas de retour pour l'instant en tout cas. Et on verra s'il pourra rejouer assez rapidement dans les prochains tournois. Donc le Serbe. Et puis chez les dames, c'est Madison Keys qui a créé la surprise en remportant son premier grand chelem en battant en finale Arina Sabalenka, numéro 1 mondial, la Biélorusse en 3 manches. 6-3, 2-6, 7-5. Donc qui offre sa première couronne en grand chelem. Donc, et 8 ans après une finale perdue à l'US Open, elle remporte donc à 29 ans son premier titre. Et fait tomber en plus un numéro 1 mondial. Ça c'est vraiment l'exploit du week-end. Pas de changement sur le classement, puisque pour l'instant on retrouve les mêmes en tête, hein, Sinner, Zverev, Alcaraz. Djokovic repasse sixième malgré sa défaite en demi-finale. Pour le reste, très peu de changements. Hugo Humbert reste 15e et le premier donc français chez les dames. Pas de mouvement, Sabalenka reste leader avec un tout petit peu d'avance sur Świątek, deuxième la polonaise, et puis les françaises assez loin. La première française de ce classement, elle est 69e, c'est donc Varvara Gracheva, Karine Garcia est derrière, et puis Diane Paris encore ensuite, donc trois françaises seulement dans le top 100 donc de ce classement. Femmes. La suite de cette saison, donc, on aura très peu de gros tournois cette semaine. Hein, ce seront principalement des challengers. On aura un tournoi un peu plus élevé à Montpellier, le 250, TP 250 de Montpellier. On aura Alexander Rublev, pardon, la tête des séries numéro 1. Ogier Aliassim, le Canadien, deuxième. Des Français. Arthur Cazaux qui a battu alors Stan Wawrinka tout à l'heure, un 6-4, 6-3, qui était invité. Quentin Lestienne jouera demain. Quentin Alice, on aura Adrien Manarino face à Richard Gasquet demain. Lou Capouille encore, qui sera également présent. Grégoire Barreur, Rinderknecht, pardon, Maillot. Donc pour les Français présents à Montpellier. Et on a appris à quelques heures que Yannick Sinner avait déclaré forfait pour le tournoi de Rotterdam, qu'il avait programmé dans son calendrier. Voilà, il avait remporté la dernière édition l'année passée, mais il ne sera pas présent. Il a décidé de faire l'impasse. Et le tournoi qui démarrera donc samedi. Voilà, mais il n'y sera pas pour défendre son titre. Il perdra donc quelques points, mais voilà, rien d'inquiétant pour lui puisqu'il est largement en tête du classement et il perdra uniquement quelques petits points, donc pas d'inquiétude pour l'Italien. Il perdra donc précisément 500 points, voilà, de sa victoire, donc ça pas grand chose pour lui. Voilà pour le tennis. On marque une pause après cette première partie. Les directs ont démarré en tout cas pour Annecy Dunkerque 0-0 après un quart d'heure de jeu, et en Italie Genoa Monza là aussi 0-0, et dans quelques petites secondes le début en Espagne de à l'Aves Celta Vigo. Une pause, presque 21h, et on retrouve Hugo ensuite avec plein de choses. On a un gros programme, donc on va, sans perdre de temps, marquer une pause. Et on se retrouve dans un instant. You Don't Know Me, ce sera le premier son de la soirée. Et on se retrouve après, donc pour la deuxième partie, avec Hugo Armand Van Helden pour ce premier titre. Tout de suite. Don't Know Me, à l'instant, c'était Armand Van Helden, pour ce premier son de la soirée, cette première pause, première et dernière, puisqu'on va retrouver Hugo maintenant pour le foot, qui nous rejoint à 21h03. Salut Hugo. Salut Rémi, salut à toutes et à tous. Comment ça va ce soir? Après une grosse semaine. Ouais, bah écoute. Bonne semaine foot, un bon week-end foot, puis encore une grosse semaine foot là qui arrive cette semaine, donc ouais, tout va bien. Génial. Première info avant de démarrer le débrief, on l'a appris il y a quelques minutes, c'est la fin de collaboration entre Lyon et Pierre Sage, là, qui a été écarté de son poste d'entraîneur tout à l'heure, là, enfin dans la journée en tout cas, par John Textor. Donc voilà, donc ça s'est terminé et la conséquence de la, on parlera du match nul de Lyon ce week-end. Et on aurait comme info Paulo Fonseca qui pourrait arriver du côté de Lyon. Ça fait des semaines que voilà, ouais. C'est un peu sur la table quoi. Ouais. C'est ça. C'est vrai qu'il y a eu ces derniers temps voilà, l'élimination en Coupe de France, il y a eu ces derniers matchs. Donc c'était un petit peu pressenti et donc il pourrait être nommé Paulo Fonseca dans les prochaines heures. En tout cas, c'est ce que donne le journal L'Équipe ces dernières minutes. Donc on verra ce que ça va donner. Bon, bonne nouvelle. Est-ce que bonne nouvelle s'il y a l'arrivée de Paulo Fonseca? C'est un bon tacticien, c'est un bon entraîneur. Après, c'est quand même quelqu'un voilà qui a échoué à Milan et qui reste pas souvent très longtemps dans les clubs non plus. Donc à voir. Après, oui, tactiquement, j'aime bien cet entraîneur. Après, si on doit faire un bilan de Pierre Sage aussi avec l'inexpérience qu'il avait du haut niveau sur un banc, c'est quand même très très bon quoi son bilan à Lyon. Il a quand même fait une finale de Coupe de France. Rien que là en Coupe d'Europe, bon il y a eu ce match nul qu'on va parler vite fait dans quelques instants, mais ils sont 5e sur 36 en Ligue Europa, je veux dire, enfin voilà, puis il a su remettre d'aplomb l'équipe quand elle était au plus bas la saison dernière aussi en Ligue 1. Voilà, son bilan est quand même plus que positif pour moi, surtout avec, comme je l'ai dit, l'inexpérience qu'il avait du haut niveau. Donc voilà, en tout cas malheureusement là il quitte Lyon assez tôt, je trouve quand même. Je sais pas si c'est la bonne solution, on verra bien, mais je pense qu'il sort quand même par une grande porte selon moi, parce qu'encore une fois il avait aucune expérience au plus haut niveau. Donc ce qu'il a réalisé, comment il a su remettre Lyon d'aplomb la saison dernière jusqu'à maintenant, franchement je pense qu'on peut tous lui tirer notre chapeau quand même. Ouais, c'est vrai que ça, ils auraient pu lui laisser un petit peu plus de temps je trouve aussi, mais au moins terminer la saison, je pense. Enfin voilà, Lyon n'est pas mal en point non plus en championnat au point de dire voilà, encore une fois en Ligue Europa là ils sont quand même extrêmement bien placés. Oui, donc je pense que bon, après, je pense que c'est vraiment la volonté de Textor d'essayer d'attirer un gros nom, je sais pas, je pense que c'est un peu ça. Bon, après, est-ce qu'il y a une histoire d'agent derrière, d'arrangement en coulisses, je sais pas, mais bon, en tout cas, c'est comme ça, ouais, Pierre Sage est écarté ce soir. Voilà, on verra ce que ça donne dans les prochaines semaines. Ligue des Champions pour commencer le débrief de la semaine, déjà dans l'ordre mardi. Mardi, on avait Monaco qui avait son destin en main pour cette phase de Ligue. Qui devait gagner hein, pour voilà, se qualifier au moins pour les barrages, voilà, se donner toutes les chances. Et après des semaines compliquées, hein, c'est vrai que ces derniers matchs étaient compliqués. Monaco se relance enfin face à Aston Villa, hein, là aussi un des prétendants pour la qualif. Voilà, 1-0, score minimum, service minimum, avec un but Singo très tôt. Après, Monaco a tenu, a eu des occasions aussi pour essayer de breaker. Ils n'ont jamais pu le faire, mais ils ont tenu bon et ça fait du bien pour Monaco qui du coup on en parlera aussi, c'est relancé en championnat et qui là se qualifie du coup au moins pour les barrages de cette compétition. Ouais, ça c'est une victoire qui fait du bien évidemment comptablement, tu l'as dit, puisqu'ils sont obligatoirement ouais en barrage en 16e. C'est une victoire qui fait du bien parce que oui, ils étaient dans une mauvaise passe avec un enchaînement de mauvais ou de résultats moyens. Donc évidemment c'est un résultat un bon résultat pour eux, et c'est vrai que oui, il y a eu ce but très tôt dans le match, il y a eu quelques occasions aussi après, bien sûr, ils ont aussi eu le ballon quelques temps dans ce match, mais ils ont aussi voilà été très solides défensivement, et puis même le gardien, Majewski, qui a fait un bon match, donc il a fallu aussi se montrer solide face à une équipe de première ligue comme ça, qui a l'habitude des grands matchs aussi, donc non, c'est vrai qu'on a eu un bon Monaco qui s'impose sur le plus petit des scores. Mais à Monaco solide, et c'est vrai que ça a fait du bien de les revoir comme ça en équipe remporter ce match. Donc ouais, c'est vrai que c'était quand même c'est pas le meilleur match du monde, mais ça fait plaisir de voir une équipe française monégasque tenir bon comme ça et aller chercher les 3 points jusqu'au bout d'un match comme ça. Et Monaco est 10e du coup ce soir, ouais. Et peut espérer mieux, pour ça il faudra battre l'Inter, ça va pas être simple. On en parlera avec l'Inter qui est encore en grosse forme. On avait Lille aussi qui jouait mardi, qui allait à Liverpool. Voilà, on en avait parlé de ce match, ça allait être compliqué. Liverpool, qui reste sur un sans faute en Ligue des Champions, en championnat aussi, c'est très bien. Et Liverpool qui a pas démérité, hein, mais voilà, Liverpool qui a été au-dessus quand même et ils ont eu d'autres occasions, Liverpool aussi, pour pouvoir tuer le match. Mais c'est assez logique hein, dans le contenu. Ouais, la marche était quand même très haute, hein, c'est sûr. Donc on savait que ça allait être très compliqué, tu l'as dit, face à cette équipe de Liverpool qui surnage un petit peu la première ligue et qui, même chose en Ligue des Champions, est toujours invaincue, enfin même fait le 7 sur 7. Donc Donc c'est vrai que c'était forcément très compliqué. Et puis il y a eu ce carton rouge aussi qui a pas aidé Liverpool sur Mandy à la 59e juste avant l'heure de jeu. Lille, malgré tout, il y a quand même David qui a égalisé dans la foulée. Donc voilà, Lille a quand même pas démérité non plus. Je dis pas qu'ils auraient mérité forcément le point, mais ça n'aurait pas été un scandale qui est match nul finalement, parce que oui, Liverpool était évidemment au-dessus, oui, Liverpool a eu plus d'occasions et plus le ballon, évidemment. Oui, il y a plus de talent dans cette équipe anglaise, mais ça aurait pas été non plus un scandale, franchement, de voir Lille tenir en échec Liverpool, parce que ouais, Liverpool n'a pas été non plus extrêmement clinique et n'a pas concrétisé toutes ses actions. Et Lille a été, mine de rien, je trouve, costaud, je sais pas si c'est le mot, parce que voilà, il y a quand même eu deux buts encaissés, il y a quand même eu des largesses. Un grand Lucas Chevalier quand même dans les buts. Encore une fois, bien sûr, mais ça c'est même plus une surprise en fait, ouais, c'est te dire. Oui. Mais c'est vrai que c'est toujours bien de le voir toujours à l'œuvre aussi, ce petit jeune qui est sûrement le futur, on l'espère, de l'équipe de France aussi. Mais voilà, non, mais ça reste un bon match de Lille. Voilà, ben je préfère perdre 2-1 à Liverpool que d'en prendre 4, mine de rien. Donc c'est bien aussi pour le goal average dans cette phase de Ligue. Ouais, Lille qui est 12e, voilà, aussi qui a 13 points, donc ça se suit bien pour et qui a toujours un goal average positif, parce qu'évidemment, oui. Ils ont 4 victoires, 1 nul, 2 défaites, c'est logique, mais voilà, je veux dire, si t'avais pris une balise en dessous de là, 3-4-0, tu passes à moins 1, moins 2, c'est pas la même derrière. C'est compliqué, c'est ça. Vous avez été les clubs français de mardi, on peut noter quand même un autre résultat, hein, c'est ce Benfica à Barça, hein, ce 5-4 incroyable pour le Barça. Ouais, c'est fou ce match, hein, c'est le scénario et Barça qui s'en sort et qui ne fait pas gagner parce qu'ils étaient déjà quasiment qualifiés, mais c'est vrai que cette victoire ça leur permet d'être deuxième, mais c'est tout sur ce scénario qui est incroyable. Ouais, c'est incroyable, ils étaient menés encore 4-2 à la 78e minute, ils ont fait une remontada express même. Voilà, grâce à un doublé de Lewandowski sur penalty, mais évidemment faut les mettre et faut les provoquer. Il y a eu un très bon Rafinha qui a marqué un doublé, mais voilà, lui on le sait, il est en feu depuis le début de saison, il est incroyable. Voilà, il y a eu un quasi quadruplé de Pavlidis côté Benfica, sauf que son quatrième but a été donné en CSC à Roro, le défenseur du Barça. Mais voilà, on a vu un très très bon Benfica qui a su vraiment poser des gros problèmes à la défense catalane. À 4 reprises du coup, et c'est vrai qu'on a vu une très très belle équipe de Benfica qui était pourtant, j'ai oublié de le préciser la semaine dernière, mais privée en tout cas une bonne partie du match de Di Maria, parce que Di Maria revenait de blessure, oui. Il est rentré les 20 de minutes à la fin de match, mais on a vu un Barça, toujours ce Barça qui nous fait plaisir, qui nous fait du football spectacle, qui nous fait du show, qui nous propose ce scénario assez dingue, et voilà, de par ses individualités qui sont très très bonnes, très très fortes, comme j'ai dit, Lewandowski, Rafinha, bien sûr, Yamal, qui n'a pas marqué, mais qui était présent, qui était très bon, puis même au milieu de terrain, Gavi, Pedri, ils ont fait un bon match aussi. C'est défensivement où les deux équipes ont pêché, de toute façon, et c'est pour ça qu'il y a eu 9 buts dans ce match, mais vraiment, c'était un match extraordinaire à suivre, avec plein de rebondissements, et c'est vrai que même à 4-2 là en fin de match, je voyais même ce Barça là, je le voyais parvenir ou peut-être marquer un but, mais au point d'aller remporter ce match, c'est vrai qu'on s'y attendait pas, et vraiment c'était un match de dingue. Alors Benfica quand même en bonne position pour se qualifier, hein, 21e avec 10 points. Voilà, pour l'instant on a quand même 2-3 clubs qui peuvent passer devant, City surtout le plus probable, Zagreb avec 8 points et Donetsk avec 7 points, ils ont des différences de but très, très négatives, donc ça va être compliqué. Il n'y a que City qui peut leur prendre une place, donc c'est vrai qu'un point ça leur a pu leur faire du bien, mais malheureusement ils ont perdu ce match dans ce scénario de fou. Très rapidement, on avait Bergame qui a gagné 5-0 tranquillement pour se mettre en très bonne position puisqu'ils sont 7e pour l'instant. On avait alors encore un triste 0-0 pour la Juve à Bruges. Voilà, on en reparlera aussi. Ils ont joué ce week-end aussi en championnat, mais voilà, c'est dans la continuité de ce qu'on avait dit en fait, hein, pour cette Juve. Voilà globalement ce qu'on pouvait retenir sur. Et puis si l'Atlético Madrid, on avait parlé de ce match, on avait un petit peu coché ce match face à Leverkusen, victoire 2-1 du coup de Madrid avec un double d'Alvarez et qui a été plombé très tôt par une expulsion, mais ils ont réussi finalement quand même à s'imposer. Et du coup, ça va permettre d'être cinquième, voilà, et d'être en très bonne position pour se qualifier pour les huitièmes. Donc, voilà, les matchs donc de mardi, à moins que tu aies autre chose à rajouter, mais pour le coup, non, Hardy, c'est pas tout. Hein. On peut juste donner aussi la défaite de Dortmund, qui est vraiment dans une, dynamique catastrophique à Bologne. Défaite de 1, si on peut la souligner quand même. C'est vrai qu'il du coup est 14e, donc il devrait se qualifier, mais c'est vrai que c'est la dynamique, elle est pas bonne du tout pour Dortmund, et on en parlera avec ce week-end aussi. Mercredi du coup on avait évidemment deux Français également, on avait Brest d'ailleurs, on peut parler commencer par Brest qui jouait en premier, battu à Donetsk. C'est dommage, on avait parlé de ce match, là on disait que Brest avait peut-être les armes pour s'imposer et du coup se rapprocher du top 8, mais ils ont été battus et finalement assez logiquement battus à l'extérieur, enfin en Allemagne du coup, par ce Schalke là. Mais c'est assez logique quand même. Sur la physionomie du match, c'est on ne peut plus logique que le Shakhtar remporte ce match 2-0. Brest s'est fait dominer quasiment la totalité de cette rencontre. Après, c'est sûr qu'on à force on avait un petit peu des ambitions un peu trop à la hausse pour cette équipe de Brest. Faut aussi remettre un peu les pieds sur terre. À la base, Brest n'est jamais favori dans ce match-là. En fait, c'est parce que évidemment on les voit surperformer, et j'insiste bien là-dessus, surperformer depuis le début de saison en Ligue des Champions. Mais même face à un Shakhtar comme ça, toujours dans une situation géopolitique compliquée. Mais ça reste une bonne équipe sur le papier, avec des joueurs qui sont une belle équipe de foot, et ça reste en soi même un club historiquement très expérimenté en Coupe d'Europe et en Ligue des Champions en particulier. Donc dans tous les cas, Brest ne devrait jamais être favori, et en soi on n'a pas à être déçu ou à être toqué entre guillemets de cette défaite. Au final, ils ont surperformé encore une fois pendant des semaines et des semaines. Là, ils ont le droit évidemment de perdre face au Shakhtar 2-0. C'est sûr que c'est dommage sur le plan comptable et du point de vue des résultats qu'ils nous ont déjà fait lors des derniers matchs, mais en même temps on peut pas leur demander non plus la lune à chaque match, donc c'est dommage pour eux, mais alors il y a un gros morceau qui arrive forcément ce week-end, un énorme morceau même. Mais Brest devrait évidemment voir les barrages de toute façon. Donc oui. Il y a pas de problème. Avec 12 points. On a perdu Hugo. On a perdu Hugo une nouvelle fois. Décidément. On va le retrouver dans un instant. Oui, on en reparlera, mais Brest qui devrait en toute logique au moins voir les barrages, puisque pour l'instant Brest ce soir est 13e avec 13 points, donc les barrages sont validés. Maintenant ça va être compliqué d'aller voir plus haut, on l'a dit, hein, puisqu'il y a le Real qui s'amène, qui s'approche donc cette semaine, donc ça va être très compliqué, mais on verra bien ce que ça peut donner cette rencontre. En tout cas pour les Brestois. Et puis on reparlera de Brest aussi, du coup, qui a joué ce week-end, évidemment, en championnat. Le temps de retrouver Hugo, là, dans une petite seconde, et on va pouvoir poursuivre le débrief avec, bien sûr, ce Paris City, qui nous a tenu en haleine mercredi soir. Cette rencontre, donc, de mercredi soir, et je crois qu'on a récupéré Hugo, normalement. Je suis de retour. Oui, voilà, très bien, décidément. Oui, donc cette équipe de Brest, on l'a dit, qualifiée avec 13 points. Alors, ce qui est bien, c'est que Lille, Brest, Monaco, ils ont 13 points, puis ils ont des différences de buts positives, hein, +2, +2 et +3 pour Monaco. Ça, c'est plutôt de bon augure. Donc pour en espérant que ça reste ou que ça aille pas dans le négatif pour Brest face au Real. C'est ça. Ça va être compliqué. Il faudra pas en prendre plus de 2 d'écart. Et puis bien sûr Paris City qu'on attendait, on avait bien sûr évoqué ce match plusieurs reprises. Scénario fou, hein, tout en deuxième période, où City a mené 2-0 et puis le match a été renversé par Paris, qui du coup s'impose et va se qualifier aussi pour les barrages. Normalement c'est quasiment fait et peut voir maintenant chercher peut-être des places un petit peu plus haut. Alors pour la qualification directe ce sera pas possible, mais peut espérer aller se chercher une meilleure place. C'est ça, Paris peut peut-être enfin regarder vraiment devant lui. Alors c'est vrai qu'il va quand même falloir assurer là contre Stuttgart cette semaine, mais c'est vrai qu'on a ça fait plaisir d'avoir un Paris comme ça compétitif, tenir tête à un grand d'Europe sur un match comme ça. Alors oui, tout s'est joué, tu l'as dit, en seconde période parce qu'il y avait 0-0 à la pause, mais Paris avait quand même déjà la mainmise un petit peu sur le match lors de cette première mi-temps, Il y a d'ailleurs eu un but refusé sur hors-jeu d'Hakimi. Ouais. Mais voilà, Paris avait été dangereux, s'était montré beaucoup plus solide et agressif que le rival Citizen. Et voilà, mais au sortir des vestiaires en seconde période, c'est quand même City qui a été tout de suite convaincant et qui a su concrétiser ses occasions par Grealish et Haaland en quelques minutes. À ce moment-là, je me suis dit, moi, en tout cas, que ça y est... Ça allait en être fini du PSG sur ce match-là, ça allait faire mal. J'avais pas spécialement confiance au rebond de cette équipe et au final ils ont su me prouver le contraire hein, avec Dembélé déjà quelques minutes après également qui venait de rentrer. Ouais. C'était bien joué de la part de d'Enrique de le faire rentrer en deuxième Dembélé. Ah ouais, c'était bien joué, oui. Après voilà, mettre un Kangin Lee en attaque, c'est enfin faut quand même falloir m'expliquer à un moment. Ce qui justifie ça. Alors, Dembélé était malade, ça, je crois, il y a encore quelques jours, c'est pour ça. Un petit peu juste. Peut-être qu'il était sur le banc, mais Kangin Lee, quand même, c'est. Il va falloir en parler deux minutes à jour quand même. Alors, c'est pas un mauvais joueur, mais bon. Pour moi, il est loin d'avoir sa place de titulaire au Paris Saint-Germain, mais bref. Mais effectivement, la rentrée de Dembélé a été très efficace. Il a marqué directement et il a sonné la révolte, et puis Barcola a enchaîné quelques minutes après aussi. C'est vrai qu'en 10 minutes, on a eu 4 buts déjà, c'est ça qui était beau. On a eu une première mi-temps plutôt plaisante quand même, mais il y avait 0-0 et puis d'un coup de la 50e à la 60e, 4 buts d'un coup, 2 partout. Et puis Neves comme un signe hein, après avec son énorme match qu'il nous faisait déjà au milieu de terrain, il était partout, il était à la récupération, il était dans la distribution, il était agressif, il était la plupart du temps juste techniquement et il manquait juste un petit but pour entre guillemets confirmer son gros match, en tout cas le récompenser. Et il marque le but du 3-2 et puis bon voilà, il y a ce bonus ce quatrième but de Ramos aussi qui fait du bien pour ce numéro 9 du PSG en toute fin de match à la 90+3. Donc non, franchement, ça fait plaisir de voir un PSG comme ça à réaction. Bon, enfin, c'est une équipe de City certes qui n'est plus l'ogre qu'il était encore il y a peut-être un an, voire un peu plus. Mais ça reste dans ma grande Europe qui a les meilleurs joueurs aussi dans son équipe du monde, donc c'est un beau PSG, c'est le PSG qu'on voulait voir aussi, même si on aurait préféré qu'ils prennent pas ces deux buts d'un coup sur coup là au retour des vestiaires, mais c'est le PSG qu'on veut dans ces grands soirs d'Europe. Et donc Paris voilà se retrouve avec pour l'instant 10 points voilà, qui est dans les places qualificatives. City par contre 8 points hein, pour l'instant est 25e hein, juste une place derrière. Alors bon voilà, City jouera face à Bruges hein, donc normalement pour normalement en théorie City devrait gagner, voilà, mais Bruges aussi joue sa qualif, hein, et pour l'instant est 20e. Alors certes avec 11 points, ça devrait suffire, mais voilà, il pourrait peut-être quand même assurer qu'un point. Donc pour City c'est pas forcément gagné, mais il faut gagner pour espérer se qualifier. Hein, c'est même pas sûr. Hein, donc il faut absolument gagner, oui, parce que oui. Pour l'instant t'es 25e et bon, c'est vrai que devant, il faut que tout le monde, perde. Mais bon, on verra ce que ça donne. Mais pour City, rien n'est fait donc pour la qualif. Et pour Paris, du coup, on l'a dit, pour l'instant, c'est en bonne voie et une victoire face à Stuttgart pour clôturer et assurer. Alors après, on rappelle le format, c'est que derrière il y aura un barrage avec du coup, on l'avait dit, hein, le 9e ou le 10e qui affrontera donc ou le 23e et le 24e. C'est ça. Voilà, cette formule-là a été faite pour éviter les calculs hein, de clubs. Voilà, c'est pour ça qu'il y aura quand même un tirage entre pour savoir quel adversaire il y aura entre ces quatre équipes. Et du coup, il pourrait potentiellement y avoir un duel 100% français en barrage. Alors pour Lille, Monaco, Brest, ils sont assez proches. Donc s'ils restent proches comme ça, il y a un peu de chance. Mais si Paris reste derrière, il pourrait y avoir un rapprochement. Donc, en tout cas, actuellement, il pourrait y avoir, si ça restait comme ça, imaginons, il pourrait y avoir un PSG Lille en barrage, par exemple. Si les places restent figées comme ça, ouais. C'est ouais, ça. Ouais. Là, on pourrait avoir soit un PSG Lille, soit un PSG Feyenoord. Ouais, si ça, ouais. Si on en reste là et Et donc voilà, on verra demain, tout vous décidez évidemment demain, mais il faudrait que Paris ait la bonne idée de remonter un peu et qui remonter au-delà vers la 16e place, voilà, pour être tranquille. Après, quoi. Ça dépend, tu vois, toi tu préfères, tu signes pour quoi? Tu signes pour 4 matchs différents pour les clubs français et on n'est jamais sûr que, ou est-ce que tu préfères quand même un duel franco-français et au moins t'es sûr d'avoir un club en 8e? Ouais, c'est sûr. Bah après, moi je veux bien que ce soit Paris-Lille, hein. Ça me va. Et nous, Monaco, si on peut éviter Paris. Bon, après, ça dépend aussi contre, tu peux taper City, hein. Eh oui. Tu peux taper City en 16e, en barrage. Donc ouais, c'est pas forcément la meilleure option, mais on verra. En tout cas, tout décidera demain, évidemment. Très rapidement, le Real qui gagne 5-1 aussi face à Salzbourg. Bon, bah c'est du classique, hein. Doublé de Rodrigo, doublé de Vinicius, un but de Mbappé en plus qui marque encore à nouveau. Juste un mot là-dessus peut-être, si tu veux, mais pas plus. Toi, trop tard. C'est bon, trop tard. Voilà. C'est bon. C'est merci. Bon, c'est bon. Merci. Non, bah logique, hein, grosse victoire du Real. Tu l'as dit, Mbappé qui est vraiment dans une forme étincelante, on le retrouve. Et puis un gros match, oui, de Vinicius également, qui refait un peu un gros match. C'est vrai qu'il n'est pas dans une très grosse période, Vinicius. Et Rodrigo, qui lui, dans une bonne période, il marque un doublé, c'est bien pour lui. Un résultat logique pour ce Real-là, qui, depuis la trêve hivernale, revient très bien. Donc Real, du coup, en plus, qui en profite pour valider complètement sa qualif, avec 12 points, et ne pourra pas être beaucoup plus haut, enfin, ne pourra pas être dans les 8 premiers, a priori, mais... Ça qualifie en barrage, bien sûr. J'ai dit quoi? Oui, ça qualifie en barrage. Ouais. Non, t'as dit la qualif, mais bon. Oui, en barrage. On bien comprend sûr. Pas. En barrage. Ouais. C'est ça. Voilà, la défaite du Bayern aussi 3-0, assez surprenante. Bon, pour le Bayern, la qualif aussi est en poche en barrage, mais assez surprenant cette défaite à Rotterdam. En revanche, Arsenal qui gagne 3-0 face à Zagreb, voilà. Quand même juste le Bayern 30 tirs, ils ont fait 30 tirs oui, à 8. Hein. Et c'est fou, c'est fou. Et il marque pas un but, c'est quand même incroyable. L'Inter aussi s'impose 1-0, assure aussi les 16 points et donc la qualif directe. En revanche, voilà globalement ce qui s'est passé. Donc on a Liverpool, on l'avait dit, tu l'as dit, un sans faute, 21 points. Barcelone 18 points. Ensuite on a Arsenal, Inter avec 16 points. Atlético, Milan 15 points, et puis Bergame 14 et Leverkusen 13, à égalité avec Villa qui a 13 points, et Monaco qui a 13 points, ça c'est les 8 premiers. Donc finalement, on l'a dit, le Brest aussi à 13 points, qui sont très proches des 8 premiers, hein. Mais il y a ce dernier match, il y a cette dernière journée, avec un multiplex géant, hein. Là il y aura tous les matchs, il y aura les 18 matchs en même temps, ça va être assez fou de mercredi à 21h. Et on aura donc pour finir donc Monaco qui ira à l'Inter. Alors déjà qualifié certes, mais ça reste Inter. Hein, on en parlera aussi en championnat qui est vraiment au-dessus. Hein. Donc a priori assez compliqué quand même. On a pour Lille, on a Rotterdam qui pour l'instant est 11e, mais est déjà qualifié, mais évidemment joue aussi sa qualif directe hein, comme Lille. Donc c'est un vrai gros match hein, pour quand même à noter hein, entre celui qui gagne a de grandes chances normalement de se qualifier directement, même si c'est pas sûr hein. Mais en tout cas avec 16 points il y a une grande chance que ce soit le cas. Et on a pour Paris donc Stuttgart gagner pour remonter un peu, et puis pour Brest aussi donc il va recevoir le Real, on en a parlé bien sûr, ça va être compliqué également. Attention, parce que Stuttgart joue aussi sa qualif en barrage quoi, donc tout à fait. Pour l'instant Stuttgart ils sont 24e, ils sont tout juste dans les 24. Donc il leur faut au moins un point pour assurer le coup. Mais comme Paris en fait, hein, même s'ils ont un petit peu mieux en différence de but, mais comme Paris avec 10 points, faut pas prendre 5-0, mais normalement tu te qualifies avec 10 points, ça devrait suffire. Mais attention, il faudrait que pour il y a deux vraiment gros matchs, enfin Lille Rotterdam et puis ce Paris Stuttgart Paris, vraiment pour les qualifs directs, et pour les deux autres ça va être compliqué hein, pour Brest le Real et pour Monaco l'Inter, ça va être. Moi, je pense que celui qui a le plus de chance, bah, c'est Paris, bien sûr, et puis Lille dans une autre mesure, qui recevra en plus pour se qualifier direct, ça peut être une bonne chose pour Lille. De quoi de recevoir, tu veux dire? Non, mais voilà, ils ont une grande chance de gagner, et du coup, de se qualifier direct, ce qui serait bien, du coup, ça ferait un qualifié direct. Bah, oui, ce serait bien, oui. Oui, c'est sûr, bah, c'est, oui, ça ferait plaisir, oui, c'est sûr que on aurait au moins sûr un qualifié en 8e, c'est sûr que c'est le mieux qui puisse leur arriver. On verra donc mercredi 21h ce multiplex géant, et puis bah bien sûr on débriefera la semaine prochaine. Rapidement, Ligue Europa, défaite de Nice une nouvelle fois à l'extérieur, voilà, bon c'est terminé pour Nice. Il y avait peu de chance de toute façon, même avec une victoire. Même pas envie d'en parler de toute façon. Non, là, c'est un petit Nice qui termine pour l'instant 35e avant-dernier. Ils peuvent encore finir dernier à la dernière journée. C'est évidemment l'objectif à éviter. Et puis pour Lyon, un petit 0-0 à Fenerbahçe. Voilà, pas beaucoup de choses, pas beaucoup d'emballement dans ce match. Pour l'instant, Lyon reste quand même bien placé, hein, avec cette 5e place, 14 points. C'est pas complètement fait, mais normalement c'est bien parti. Il faudra quand même, donc jeudi lors du dernier match, ce sera je pense qu'un match nul ça devrait suffire. Oui. Face à Razgrad, le Dogarès Razgrad, donc qui de son côté est 33, mais déjà éliminé, donc il n'y a pas d'enjeu pour eux, donc normalement pour Lyon un point suffirait et qui pourrait se qualifier. Nice, malheureusement, ce sera terminé. C'est à Lyon. Et c'est à Lyon, ouais, en plus. Donc, ouais, j'ose espérer que ça devrait le faire. Ouais. Voilà, donc c'est ça, il n'y a pas de problème. Oui, voilà, on avait les cas là de qualification directe, hein, gagner ou un match nul. Et que dans d'autres matchs, il faut que ce soit favorable. Donc, mais il y a quand même de grandes probabilités que ça. Et même en cas de défaite, ça peut suffire. Hein. Avec d'autres conditions aussi, bien sûr, derrière, mais voilà. Donc, en tout cas, déjà sur les playoffs. Et d'ailleurs, les playoffs, tirage au sort vendredi hein, prochain. Enfin, vendredi, okay. Cette semaine, en fait. Hein. Voilà, donc, pour ces playoffs, ces barrages. Voilà pour les Coupes d'Europe. On revient vite dans notre Tour d'Europe, puisqu'on a encore plein de choses, bien sûr, avec l'Allemagne. Pour commencer, l'Allemagne, donc c'était alors les directs juste avant, puisque c'est vrai qu'on n'a pas parlé depuis tout à l'heure, mais ça a bougé. Hein, deux buts hein, en Ligue 2 où Dunkerque ouvert le score à Annecy. Donc mène 1-0 et c'est la pause, ça va être la pause dans quelques secondes. En Espagne aussi, il y a eu un but, donc c'est pour Alves qui a ouvert le score face à Celta Vigo. Face au Celta Vigo en 0-30e minute. Et en Italie, c'est quasiment la mi-temps aussi entre le Genoa et Monza. Et pour l'instant 0-0. Donc le Bayern en Allemagne qui a assuré donc la victoire à Fribourg, donc 2-1, voilà, avec un but d'Harry Kane pour le Bayern qui du coup enchaîne encore et on en parlera puisque Leverkusen n'a pas réussi à gagner, donc prend le large en tête. C'est ça, ils ont fait leur match, ils sont pas non plus voilà fait du grand Bayern, mais ils ont fait le principal, il fallait s'en mettre à gagner parce que il fallait reprendre ces trois points là face à Fribourg. Ils l'ont fait, ils ont quand même encaissé un but à la 68e minute de jeu où Fribourg reprennent un petit peu du poil de la bête entre guillemets, mais il y a quand même eu des belles occasions des deux côtés, surtout du côté Bayern, mais il manque encore une fois, et c'est pas la première fois que je le dis, et on l'a vu d'ailleurs en Ligue des Champions la semaine dernière, ça manque parfois quand même de concrétisation dans le dernier geste, et ben ouais, on l'a vu, comme j'ai dit, il y a 30 tirs en Ligue des Champions et 0 but. Là je pense que le Bayern aurait dû en marquer plus et aurait pu en marquer plus et pour se mettre à l'abri plus tranquillement plutôt que d'avoir une fin de match un peu plus floue comme ça, et où Fribourg aurait pu sur quelques occasions égaliser, mais ça reste une rencontre globalement maîtrisée du Bayern Munich avec 3 points voilà important quand même, et qui permet d'avoir 6 points d'avance sur le Bayer Leverkusen. Oui, puisque le Bayer Leverkusen, donc juste dans la foulée, se déplaçait à Leipzig, on avait aussi parlé de ce match. Il n'a pas réussi à gagner, 2 buts partout, il menait 2-1 en plus, et ils se sont fait rejoindre donc par Leipzig, et du coup ça fait 2 points de perdu pour la première place. C'est ça exactement. Ça a été un beau match, hein, en tout cas relativement animé des deux équipes, hein, surtout. Et, ça reflète bien le score et l'issue de ce match, hein, de partout. Pourtant, il y a encore eu un très très grand Florian Wirtz qui a touché 3 fois les montants, si je me trompe pas. Ouais, 3 fois. En tout cas, une fois quand même touché. Enfin, d'abord touché par le gardien et ensuite ça vient rebondir sur le poteau. Mais donc si ça compte comme ça, ça fait 3 poteaux pour Wirtz. Et puis sur le premier but aussi, en fait, ça, il y a un superbe enchaînement technique de Wirtz qui dribble 3-4 joueurs. Il entre dans la surface, du bout du pied, il tire. Ça avait heurté le montant, et puis après c'est repris par Patrick Schick qui ouvre le score. Donc on va dire que ça compte quand même pour un poteau, même s'il y a but derrière. Donc 3 poteaux touchés par par Wirtz, mais il a été vraiment une nouvelle fois incroyable. Il a signé une passe décisive aussi quand même dans ce match. Donc il a encore fait un gros match, mais ça n'a pas suffi pour le Bayer Leverkusen qui s'est fait remonter de 2 buts, donc avec une bonne réaction de Leipzig dans ce match-là. Leipzig a eu beaucoup plus le ballon, mais qui n'a pas été extrêmement dangereux, mis à part sur ces 2 occasions de but. Et c'est pour ça que Leverkusen peut quand même, mine de rien, avoir des regrets sur ce match-là, mais qui justifie quand même un résultat assez logique, parce que Leipzig a été efficace sur les quelques occasions qu'ils ont eues. Et donc Leipzig prend un point quand même important et permet d'être 5e après ce match nul. On continue avec l'Allemagne et on avait également comme match, je ne sais plus ce qu'on avait comme match, je voulais parler de quel match, je ne sais plus. Et on avait, oui, Bayern Stuttgart, pardon. Bayern Stuttgart, pourquoi ? Puisque c'était assez serré au niveau classement, ça joue l'Europe. C'est Mayence qui fait la bonne opération du coup en gagnant 2-1 face à Stuttgart et qui revient du coup à un point seulement de Stuttgart. Belle opération. Ouais, très belle opération. Ouais, c'est un peu presque la belle opération du week-end en tout cas, je trouve, sur ce match-là pour Mayence, effectivement, qui on recommence bien son année 2025. C'est vrai, ils sont sixième, ils sont qu'à un point de Stuttgart, justement, qu'ils ont maintenant battu ce week-end. Maintenant c'est la course à l'Europe pour Mayence. Va falloir continuer comme ça. Ça va pas être forcément simple pour eux, mais effectivement, c'est une très belle victoire pour Mayence, contrairement à Stuttgart, pour le coup, qui perd du terrain sur le podium par rapport à Francfort. Ils sont à 5 points, donc effectivement, c'est un coup d'arrêt pour Stuttgart. Et Francfort, justement, t'as parlé qui était tenu en échec à Hoffenheim, là aussi c'est pas un bon résultat, même si derrière, heureusement pour eux, Stuttgart a perdu et Leipzig aussi, mais c'était l'occasion, Leipzig a fait match nul, mais c'était l'occasion du coup en gagnant de prendre le large. Raté, match nul à Hoffenheim. Et puis un autre résultat, on a parlé de Dortmund juste avant Ligue des Champions, là aussi même résultat face à Brême, 2 partout, et ça reste 11e hein, Dortmund, c'est compliqué la série. Ça continue, ça ne s'arrête plus, ils n'arrivent pas à se remettre dedans. C'est vrai que on a un petit peu de mal à expliquer ça aussi, mais on est sur combien ? On est sur 5 matchs d'affilée là sans victoire. Sans victoire, ça fait 4 en championnat, 4 d'affilée dont 3 défaites. Notamment contre Holstein Kiel il y a quelques jours, donc c'est une équipe où normalement il devait s'imposer. Mais c'est vrai que là on est vraiment sur une très mauvaise dynamique de Dortmund, comme je le disais tout à l'heure quand on parlait de la Coupe d'Europe. Et ça ne s'arrête plus. Il y a eu un carton rouge aussi tôt dans ce match pour Dortmund à la 21e minute. Ça explique aussi forcément ça n'a pas aidé. C'est ça exactement d'être en infériorité numérique jusqu'à la fin du match. C'est vrai que là Dortmund, va falloir se réveiller là les mecs, parce que 11e, 7 victoires, 7 défaites, 5 nuls. C'est pas le Dortmund qu'on connaît normalement, et pourtant ils ont, je trouve, un bon effectif, mais effectivement là il y a quelque chose qui marche plus dans ce groupe là. Non, c'est compliqué pour ce Bayern donc ce Dortmund qui est 11e donc après ce match nul. Un petit coup d'œil sur les matchs de ce week-end. Non, il n'y a pas de grosses affiches. On a. On peut dire. J'allais dire ça, mais non. J'allais dire Brême Mayence, mais on peut pas viser non plus du truc. Non, il n'y a pas vraiment de grosses affiches, Non, on a Francfort qui reçoit Wolfsburg, qui est 7e, qui peut se rapprocher un petit peu de l'Europe. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de grosses affiches ce week-end. Donc. Pas de match vous conseiller peut-être ce Francfort Wolfsburg entre deux ces équipes, on va dire, pour l'Europe. C'est dimanche à 15h30, mais c'est tout pour cette journée. On poursuit avec l'Italie, la journée du week-end, la 22e journée. On avait Combergame d'abord qui démarrait samedi la journée, Bergame qui s'impose à Côme. C'était une victoire bienvenue pour enchaîner après la victoire en Ligue des Champions. Alors ça, qu'il y avait eu une défaite la semaine passée à Naples, et il y avait eu 2 matchs nuls précédemment même 3 pardon, si on remonte un petit peu fin décembre. Donc c'était absolument primordial de s'imposer pour relancer un petit peu la machine et s'assurer vraiment cette troisième place. Ouais, mais l'Atalanta qui n'est pas entre guillemets totalement guérie de cette mauvaise série dont tu parlais, parce que oui, s'impose là face à Côme promu. Alors déjà que de 2-1 effectivement, ils avaient encaissé l'ouverture du score à la demi-heure de jeu. Ils ont égalisé entre guillemets qu'à la 56e minute de jeu et par Retegui, le meilleur buteur du championnat, qui a marqué un doublé d'ailleurs, le deuxième but à la 70e, un quart d'heure après. Mais c'est, j'ai presque envie de parler de petit braquage parce que Côme a quand même dominé ce match. Ils ont eu un peu plus le ballon que durant le match. Côme, ça a tiré 15 fois au but contre 5 seulement pour l'Atalanta. Donc oui, l'Atalanta a été pour le coup oui, les plus efficaces dans le dernier geste, mais Côme a quand même beaucoup plus tenté et beaucoup plus eu le ballon que l'Atalanta. Donc un petit braquage peut-être un peu fort de parler de braquage, mais mine de rien, Côme a joué vraiment sa carte à fond et aurait vraiment mérité de ramener au moins un point de ce match-là. Donc oui, ça fait du bien pour l'Atalanta de retrouver les 3 points en championnat, mais pour moi, c'est pas une performance et un match qui rassure pour ce club. En tout cas, comptablement, pour l'instant, bon, 46 points, ça les met quand même cette longueur de la Lazio 4ème, donc c'est comptablement... Sur le plan comptable, évidemment, c'est important. C'est important. Ouais. Bon match qu'on avait donné ensuite, c'était Naples-Juve. Le leader qui recevait la Juve, hein, toujours délicatesse, quand on en a parlé, fait match un triste 0-0 à Bruges. C'est là qu'il y avait eu cette victoire face au Milan AC le week-end d'avant. On pensait peut-être que c'était relancé. Bah finalement non, hein, match nul en semaine et défaite face à Naples qui c'est vrai est le leader, mais ça reste quand même la Juve qui se doit de faire mieux. Et on peut noter le but de Colomani pour ses débuts avec les Turinois. C'est ça, un petit but sympa en plus. Hein. Enfin, ouais, beau but, ouais. C'est vrai. C'est sur un centre, il saute pour mettre la tête, ça passe juste au-dessus de lui le ballon. Après il a un semblant de frappe de je ne sais plus quel joueur et puis ça revient sur Colomani qui est dos au but et qui fait une reprise de volée dos au but en se tournant vers le but bien évidemment. Et donc à l'aveugle comme ça, faire une petite reprise de volée comme ça, c'est un beau petit but et c'est bien pour lui de commencer cette aventure chez la vieille dame de cette manière-là, malgré la défaite face à Naples. Voilà, qui aura quand même été un peu plus convaincante que la Juve. La Juve, on le sait, ne fait pas beaucoup de jeux, et c'est pour ça qu'ils font autant de matchs nuls et qu'ils sont aussi pénibles à jouer. Mine de rien, Naples inflige la première défaite de la Juve en championnat. Oui, tout à fait. Aussi. Mmh. Donc voilà, Colomani avait ouvert le score effectivement juste avant la pause. Il a fallu attendre presque l'heure de jeu pour voir Zambo Anguissa égalisé pour Naples. Anguissa qui a vraiment fait un gros match et qui jusque-là était vraiment le meilleur napolitain et qui a vraiment pris à bras-le-corps la bataille du milieu de terrain. Donc c'était aussi logique, entre guillemets, ou en tout cas ça le récompense bien également que de marquer ce but-là pour lui, pour Anguissa. Et puis bah voilà, un but une dizaine de minutes plus tard de Lukaku sur penalty et qui vient sceller la victoire napolitaine malgré une vingtaine de minutes qui restait à jouer, mais la Juve n'aura pas surmonté cet écart-là, mais c'est mérité pour Naples hein, qui a quand même globalement dominé ce match et cette Juve-là. Donc c'est vrai que c'est une belle victoire pour Naples et qui permet de surtout de conserver effectivement son trône de leader de Serie A. C'est ça, la Juve reste cinquième, presque à 9 points maintenant du podium. L'Inter enfin, donc le Dauphin qui enchaîne aussi à Lecce, 4-0 tranquille comme l'Inter face à cette équipe de Lecce, mal classée, hein, 18e, c'était très logique et ça permet de suivre la cadence et toujours à 3 points avec ce petit match de retard. Donc l'Inter, on a parlé, hein, Monaco, ça va être compliqué. Hein. Ah, pardon, je pensais à autre chose, tu me disais. J'y vois l'Inter qui est très tranquille, hein, ça. Ah oui. Et pour Monaco, on le sent, ça va être dur. Hein. Oui, bon après, oui, c'est sûr. Après, ça reste Lecce, premier relégable, 4-0. Voilà, oui, c'est sûr. Cet Inter là est en bonne forme, a enchaîné là les buts sur ce match-là, 4-0. C'est vrai qu'il y a 4 buteurs différents en plus, Dumfries, Martinez, Fratesi, il y a eu Mediterranei également sur penalty. À noter quand même un nouveau match où Thuram ne marque pas. Ça fait quoi? C'est peut-être 2-3 matchs où il marque pas, si je me trompe pas. À vérifier quand même, mais il a quand même donné une passe décisive dans ce match. Mais Mais oui, attention, bah, évidemment, l'Inter est, oui, est favorite par rapport à Monaco. Maintenant, je pense que Monaco a quand même sa carte à jouer, parce que même si l'Inter reste relativement irréprochable en championnat, voilà, je pense que Monaco a sa carte à jouer, mais ça va pas être simple forcément face à cette équipe-là. Voilà pour donc ces matchs-là. On avait également à noter donc le Milan vainqueur de Parme, 3-2. Milan, c'est vrai qu'il regrappe à la 7e place, ça c'est important pour eux. L'AS Rome qui gagne 2-1, là aussi un succès important à Udinese. Et puis la Lazio, la défaite un peu plus surprenante, enfin, même si la Fiorentina est quand même 6e, défaite 2-1 et Lazio reste bloqué à cette 4e place. Le leader, donc, c'est Naples avec 53 points. On a l'Inter avec 50 points. Bergame. T'as vu juste dans le match Lazio-Fiorentina, alors y a Yacine Ali, hein, le Français, qui sort du terrain, enfin qui est remplacé donc à la 63e minute de jeu. Il prend un carton jaune par l'arbitre parce qu'il prend trop de temps à sortir. Et il prend un deuxième jaune dans la foulée, alors qu'il est sur le banc, enfin, parce qu'en sortant, il a tapé de frustration, de rage. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il sortait ou si c'est parce qu'il a pris un jaune en sortant, je sais pas exactement, mais il a, en tapant dans la bouteille de frustration, l'arbitre est revenu vers lui, lui mettre un deuxième jaune, enfin, un second jaune, et prendre un carton rouge. Donc, le mec, en ne jouant plus, en sortant, il a pris deux jaunes coup sur coup et carton rouge. Voilà. Pour une petite histoire. Mais, voilà. Il aurait pu le prendre carton avant de sortir et la Fio aurait été à 10. C'est ça. En plus, oui, donc entre guillemets, oui, c'est quand même le bon moment pour le faire, mais c'est quand même très très bête de se mettre dans cette situation-là et d'être suspendu pour le match d'après, quoi. C'est très bête, oui. C'est clair. La Fio donc gagne 2-1 et et sixième, je l'ai dit, donc Bergame 46 points, je trouve que la Lazio avec 39, la Juve 37, le Milan 7e 34, l'AS Rome 9e 30, et en bas c'est Lecce pour l'instant, et Venise et puis Monza assez loin derrière. Les matchs qui nous attendent. Alors, on a évidemment le derby milanais, Milan AC Inter. Bien sûr. Ce sera dimanche à 18h. On a aussi un AS Rome Naples, même si c'est vrai que l'AS Rome n'est plus l'AS Rome qu'on a connu, mais bah, ça reste quand même une belle affiche. Donc ça, ce sera dimanche à 20h45. Et puis, c'est bien déjà, ces deux matchs-là. C'est déjà pas mal, c'est déjà un bon petit week-end foot italien. C'est ça. Et puis donc lundi on aura Cagliari Lazio donc en match. Voilà pour l'Italie, l'Espagne avec cette 21e journée, c'est l'Atlético qui démarrait le premier face à Villarreal, et match nul pour l'Atlético, un partout, voilà, match nul après une défaite la semaine dernière, bah voilà, c'est un point seulement de prix et ça, on verra, mais ça a permis au Real donc de prendre le large après ce nul, un partout. Dommage. Ouais, il y a eu une mauvaise entame de match de l'Atlético qui a beaucoup subi et qui n'était pas vraiment dedans, qui n'est pas entré simplement dans ce match. Ça en a profité à Villarreal juste avant la demi-heure de jeu sur un penalty de Gérard Moreno pour ouvrir le score. Ça a été mieux pour les Colchoneros en seconde période, où ils ont vraiment remis un peu le pied sur le ballon et où ils se sont procuré plusieurs occasions dangereuses jusqu'à un but de Samuel Lino juste avant l'heure de jeu, mais c'est resté comme ça malgré les poussées, les offensives de l'Atlético, et c'est surtout deux équipes qui sont habituées généralement à marquer en toute fin de match dans le Money Time, comme on dit, dans le temps additionnel, mais ça n'a pas été le cas, et c'est vrai que c'est pas un résultat qui satisfait, enfin en tout cas c'est un mauvais résultat pour les deux équipes, hein, tu l'as dit, l'Atlético qui laisse le Real à 4 points et Villarreal qui laisse Bilbao à 6 points devant, donc c'est vrai que c'est vraiment un mauvais résultat mine de rien, ce match nul, autant pour l'Atlético que pour Villarreal. Exactement, et le Real en a profité du coup en gagnant à Valladolid 3-0 samedi soir. Avec le premier triplé de Mbappé avec le Real, beau triplé, mais bon, le dernier c'est un penalty, mais les deux premiers buts, des beaux buts. Hein. Ah ouais, des beaux buts, bah oui, tout à fait. Comme il sait faire, en enroulant, petit filet opposé, dans un angle où des fois tu dis mais c'est impossible d'aller chercher cet angle-là, ce petit filet-là à l'opposé. Mais là, je pense qu'on a retrouvé enfin le Mbappé clinique, encore une fois, et le joueur qu'il était, parce que là, il est tout simplement rempli de confiance. Voilà, dès qu'il a le ballon, dès qu'il peut, il frappe. Et c'est là qu'on retrouve le Mbappé fort, extrêmement fort, et tout le talent qu'il a. Et C'est pourquoi on l'a toujours gracié, apprécié, évidemment, et élogé depuis tant d'années. Et ça fait du bien de le revoir comme ça aussi. Et puis je pense que bah, ça va faire mal du coup de jouer ce Real-là durant cette seconde partie de saison. Avec un Mbappé comme ça, c'est juste énorme. Et on voit qu'il reprend du plaisir à jouer, à enchaîner les bonnes performances comme ça. Et puis même ses coéquipiers, on le sent du coup beaucoup plus proche presque d'eux. Alors je dis pas qu'il était pas proche d'eux avant, mais du coup ça donnait tout de suite l'envie de parler ou de sortir des polémiques pour dire Mbappé se sent pas bien avec Bellingham, avec Vinicius, alors que pas du tout, on les voit à chaque fois se congratuler vraiment ou se remercier l'un pour l'autre. Enfin voilà, non, c'est vraiment une bonne chose que Mbappé évidemment revienne à ce niveau-là. Et par ce triplé là avec des beaux buts, tu l'as dit, et puis il enchaîne les pénaltys, les beaux pénaltys, hein, parce que c'est vrai que finalement il en tire presque un par week-end, j'ai envie de dire, et il marque à chaque fois. Donc non, c'est une bonne chose évidemment, un gros match du Real avec un très bon Mbappé clinique devant. Et puis une victoire logique, mine de rien, face à cette équipe de Valladolid qui est lanterne rouge, hein, de ce championnat, même s'ils avaient fait une bonne petite entame de match. Pendant 3, 4, 5 premières minutes du match, Valladolid a eu deux occasions franches, mais ils ont pas su évidemment ouvrir le score, et le Real en a profité après derrière évidemment pour aller chercher cette victoire logique. C'est vrai qu'il n'y avait pas Vinicius hein, qui sur ce match. Hein. Est-ce que ça a libéré un peu Mbappé, ça lui a permis d'être plus proche. Ouais, il est un peu plus entre guillemets électron libre devant. Après, bon, même dernièrement, on l'a vu marquer, même quand Vinicius était sur le terrain. Moi, je pense pas qu'ils ne soient pas faits l'un pour l'autre entre guillemets sur un terrain. En tout cas, mais après oui, c'est sachant que Vinicius était aussi un joueur de profondeur, de percussion, et c'est sûr qu'ils peuvent quand même un petit peu se marcher sur les pieds, même s'ils apprennent un peu à jouer ensemble et ils sont pas au même poste et tout ça, et Mbappé est maintenant habitué à jouer en pointe devant, mais quand il est pas là, c'est sûr qu'il a quand même plus de liberté, Mbappé, et oui, c'est sûr que ça doit être plus simple pour lui de briller, ça c'est une certitude. Maintenant, encore une fois, je pense pas que ça empêche de briller l'un ou l'autre lorsqu'il joue à deux non plus. Et c'est bon augure avant le retour en équipe de France. On rappelle que un gros mois et demi, il y aura la Ligue des Nations et ce quart de finale. Donc c'est le bon moment pour Mbappé en plus de revenir en force. Bah oui, en tout cas oui, c'est de bon augure, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Bah comme on dit, ça fait quand même plusieurs semaines maintenant qu'on le revoit vraiment à un top top niveau, à enchaîner les bonnes performances, les buts. Enfin là, un triplé ce week-end. Il a marqué en Ligue des Champions la semaine dernière. Il avait déjà marqué en championnat encore avant. Donc oui, évidemment, c'est de très bon augure à voir, enfin à espérer que ça continue comme ça, enfin jusqu'à la fin de saison, on le souhaite. Mais évidemment que ça suit la même lignée en équipe de France, on l'espère. On l'espère en tout cas, c'est sûr. Après, à voir comment il va aussi, je sais pas, récupérer ce statut de capitaine en équipe de France après. C'est un petit peu passé entre le rassemblement qu'il a manqué alors qu'il n'était pas forcément blessé. Enfin, en tout cas, pas autant qu'on nous le disait, qu'on nous le vendait, avoir son statut auprès aussi de ses coéquipiers, parce que c'est vrai qu'on sait que parfois son statut agace, ou ça, justement, ce favoritisme que même Deschamps peut avoir avec Mbappé, ça peut agacer certains joueurs aussi, ce qu'on peut comprendre, et quelques passe-droits aussi que laisse Deschamps à Mbappé, même si, bah, forcément, quand on a un joueur comme lui dans son équipe, c'est comme Ronaldo avec le Portugal, c'est comme Messi avec l'Argentine, bah, forcément, tu as plus de passe-droits qu'un autre joueur, mais voilà, à voir tout ça maintenant, et puis à voir si Mbappé sera toujours dans une... Pas un mois et demi de... Je sais quand, mais... Ah, mais, bon, ça a coupé un peu. Mais on l'espère en tout cas. Voilà, après, il y a encore pas mal de points d'interrogation, laissons faire le temps, prenons, comme disent les joueurs, match par match, semaine après semaine, et on aura le temps d'en reparler d'ici là, mais là, aujourd'hui, oui, c'est de bon augure de revoir un Mbappé comme ça avant un prochain rassemblement de l'équipe de France. On sera le 20 et 23 mars pour les matchs face à la Croatie, quart de finale de cette Ligue des Nations. Et enfin le Barça qui jouait hier, voilà, qui était le dernier à jouer, et il fallait gagner de toute façon pour suivre ce Real et voilà, essayer de récupérer des points aussi sur l'Atlético qui avait fait match nul et victoire. Quelle victoire face à Valence, 7-1. Voilà, face à un Valence, on avait parlé, c'est vrai, ces derniers temps, qui va de plus en plus mal, et là, c'est vraiment le coup de massue encore. Voilà, c'est un peu, on a l'habitude maintenant ici que quand je parle de Montpellier en Ligue 1, où ça fait des semaines et des semaines que je dis que de toute façon, je les vois y a pas une solution où je les vois remonter la pente ou quoi. Je les vois forcément presque descendre en Ligue 2. Valence, c'est triste pour ce club historique comme ça. Mais je l'avais déjà dit aussi il y a quelques semaines, c'est un club qui est tellement instable en fait, notamment au niveau de ses coachs, qu'en fait à un moment forcément tu te prends l'épée dans le tapis et là Valence est sur une saison catastrophique et même si évidemment comptablement parlant, mathématiquement parlant, on est encore assez loin de dire que Valence est forcément relégué. Évidemment il reste beaucoup de matchs et encore beaucoup de points à prendre, mais c'est vrai que c'est très très compliqué cette équipe de Valence quoi. Alors là oui, t'es face à l'ogre barcelonais qui fait une grosse saison, qui se reforme une très belle équipe. Mais vraiment t'en retires pas grand chose de ce match là quoi. Il y a le but d'Hugo Duro juste avant l'heure de jeu pour sauver l'honneur, ouais, mais franchement là sur ce match là tu retiens rien quoi. C'est le Barça a roulé sur Valence, a surdominé ce match. Il y avait déjà 3-0 alors qu'on était même pas au quart d'heure de jeu. Il y a eu 4-0, on n'était même pas à la demi-heure de jeu. Voilà, dès qu'il y avait une occasion, dès qu'il y avait une offensive barcelonaise, c'est simple, ça rentrait dedans et voilà, la défense valencienne elle était vraiment aux abois. Et non, franchement c'était une balade de santé pour le Barça. C'est pour ça que je vais pas dire grand chose sur ce match-là. Voilà, il y a un très bon Ferran Torres qui a marqué contre son ancien club et qui a loupé maintes et maintes fois de marquer au moins un doublé dans ce match-là, parce qu'il aurait pu en avoir 10 des buts, hein, franchement. Voilà, il y a eu un très bon Fermín López également qui a été incroyable au milieu de terrain, qui a marqué un doublé également. Rafinha qui a été aussi très bon, il a marqué un match plein du Barça, même Yamal qui n'a pas marqué. Il a signé une passe D, mais il a été très bon aussi. Je le vois encore entrée de surface, petit coup de rein et hop, petit pont sur un défenseur valencien. Je sais plus sur quel défenseur, mais voilà, non, un match plein du Barça. C'est individualités aussi, mais collectivement c'est très fort. Voilà, sport logique contre une équipe de Valence fantomatique. Donc le classement, le Real est leader à 49 points, l'Atlético deuxième avec 45 points et le Barça revient donc avec 42 points, troisième. Grappit tranquillement sur l'Atlético et on a le Bilbao ensuite 40 points, Villarreal 34 points en bas de tableau. Alavés Vigo c'est en cours, toujours 1-0 à mi-temps pour Alavés et puis Dunkerque mène donc toujours sur le score de 1-0 à Annecy, 52e minute de jeu et puis pas de but pour l'instant en Italie entre le Genoa et Monza, 0-0. Les matchs qui nous attendent cette semaine, qu'est-ce qu'on a de bon à se mettre sous la dent ce week-end en Liga? Eh ben, qu'est-ce qu'on a? L'Atlético reçoit Mallorca. On a donc le Real qui de son côté ira à l'Espagnol Barcelone et le Barça reçoit Alavés. Ouais, c'est pas des grosses affiches pour les. Non. Atlético Mallorca, on va dire, deuxième contre le sixième. Ouais. Voilà, on va dire ça. C'est ça, ouais. Ça, ce sera donc samedi à 18h30. On termine avec l'Angleterre, on va essayer de faire vite parce que c'est vrai qu'on a. On n'a plus beaucoup de temps, on a encore la Ligue 1 ensuite. L'Angleterre, donc, avec la 23e journée. Liverpool, évidemment, qui démarrait cette journée. Victoire assez logique face au 19e du championnat. Ipswich, 4 buts à 1. C'est bien dit, là, cette fois-ci, t'as vu. Les West qui s'imposent. C'est des efforts. Et qui poursuivent leur série. Alors, c'était l'adversaire idéal après une semaine européenne où il fallait... enchaîné face à cette équipe-là, victoire 4-1. Et ça permet donc d'être toujours en tête avec toujours une belle avance de 6 points. Oui, je n'ai pas grand-chose à rajouter. De toute façon, même chose, balade de santé globalement. Même s'il y a eu ce but d'Ipswich en toute fin de match, pareil pour l'honneur pour eux. Liverpool n'a jamais levé le pied dans ce match. Même à 3-0 à la pause, ils ont continué. Un doublé de Gakpo aussi qui fait du bien, il est dans une bonne forme également. Salah qui marque encore aussi, donc un Liverpool toujours aussi clinique et extrêmement puissant, fort, 4-1, c'est logique, trip switch. Arsenal ensuite, qui se devait de gagner pour continuer aussi à suivre la cadence. D'ailleurs, pour terminer avec Liverpool, on a enfin la date du report face à Everton, ce sera le 12 février, le match de la 15e journée. Donc, contre Everton ? Ouais, voilà. Donc pour remettre enfin ce classement à jour, ce sera entre le match de Cup du 4e tour et entre le match de la 25e journée. Voilà, qu'il y aura un bel enchaînement pour Liverpool, mais ça leur permettra enfin de retrouver un vrai classement. Arsenal, voilà, qui devait gagner pour poursuivre aussi cette cadence à Wolverhampton. Chose faite, 1-0. Pas simple quand même pour Arsenal, qui a dû attendre le dernier quart d'heure pour marquer, et qui en plus avait été réduit à 10 avant la mi-temps, donc ça n'a pas été assez simple, mais l'essentiel est fait. C'est ça, ça n'a pas été simple, un match serré entre les deux équipes. Tu l'as dit, il y a eu ce carton rouge avant la pause pour Arsenal, ouais, qui n'a pas aidé du tout les Gunners, notamment à la reprise, mais ils ont su tenir entre guillemets cette infériorité numérique, bah forcément quand même de par leur talent aussi et leur solidité. Et il y a eu aussi ce carton rouge pour Wolverhampton à la 70e, qui pour le coup, après voilà, en mettant les deux équipes à égalité numériquement parlant, ça a permis à Arsenal d'enchaîner quelques minutes plus tard par l'ouverture du score enfin de Calafiori, tu l'as dit, alors qu'il restait un quart d'heure de jeu. Donc petite victoire d'Arsenal qui évite le piège Wolverhampton. Même si Arsenal aurait été globalement un petit peu au-dessus dans ce match, mais Wolverhampton aura toujours tenu tête jusqu'à voilà ce 10-10 qui est un peu coupé dans l'élan Wolverhampton, qui pouvait quand même essayer d'aller chercher les 3 points de la victoire, mais au final c'est Arsenal qui les a empochés, et effectivement Arsenal se devait de gagner ce match pour ne pas être largué par Liverpool. Ils ont 6 points de retard encore là sur les Reds devant. Comme tu disais, les Reds ont encore un match de retard, mais donc voilà, là c'était vraiment impératif de gagner pour Arsenal, bien sûr, s'ils veulent encore avoir un petit peu d'espoir et en tout cas pour être toujours dans la course quand même au titre. Tout à fait. On poursuit donc avec la suite des matchs. On avait City-Chelsea aussi, belle affiche samedi soir. Et City qui, après ce retournement de match à Paris, qui s'impose quand même face à Chelsea, qui rebondit bien face à un adversaire direct au classement. Hein, c'était vraiment l'occasion de repasser devant. C'est fait, 3-1, et avec 3 buteurs différents. C'est ça, exactement. Bah, Chelsea avait pourtant bien débuté ce match, en ouvrant le score dès la 3e minute de jeu après une boulette de Kouzanov, l'ex-Lensois maintenant, qui a coûté combien, 40-50 millions d'euros. Il a fait une tête vers l'arrière, enfin c'était un ballon qui allait vers l'avant, donc pour Chelsea, donc ça allait partir en profondeur. Kouzanov qui fait une tête, mais il se loupe sur la tête et du coup ça part, le ballon part derrière et c'est récupéré donc par Nicolas Jackson donc de Chelsea, qui va venir servir en retrait pour Noni Madueke et marquer. Donc c'était une très mauvaise entrée en matière pour l'Azerbaïdjanais, l'Azeri, je crois. Azeri, ouais, c'est ça. Azeri, ouais. Pour l'Azeri, ancien Lensois Kouzanov, qui en plus a pris un jaune dans la foulée parce qu'il a fait une grosse faute sur Palmer ensuite. Donc c'est vraiment une entrée en matière vraiment catastrophique pour Kouzanov. Qui est d'ailleurs sorti après en deuxième mi-temps, au début de deuxième mi-temps. Effectivement, City après s'est remis un petit peu la tête à l'endroit, déjà en égalisant avant la pause grâce à Guardiola. Et puis ensuite Haaland qui a fait du bon travail aussi, qui a marqué le deuxième but à la 68e. Et puis Foden, l'homme vraiment très en forme de City depuis le début de saison, qui est toujours aussi performant, qui vient clouer cette victoire 3-1. Donc globalement, ouais, un bon match de City, même s'ils ont mal commencé ce match, mais surtout ouais, avec cette erreur de Kouzanov qui voilà, c'est quand même vraiment sa faute ce but là. J'aime pas trop pointer les individualités, mais sur ce coup là c'est de sa faute aussi, cette ouverture du score précoce de Chelsea. Maintenant je dis pas ça pour blâmer Kouzanov, encore une fois, déjà passé mine de rien de la Ligue 1 à la Première Ligue, c'est jamais simple, hein. La Première Ligue c'est quand même le meilleur championnat du monde, en tout cas le plus qui demande le plus de d'efforts, techniquement parlant, physiquement parlant aussi. Puis surtout voilà, alors faut bien commencer en Première Ligue, mais en plus commencer contre Chelsea, c'est pas simple non plus, même si c'est pas le grand Chelsea d'il y a 15 ans, mais c'est pas simple non plus. Donc on va pas blâmer évidemment Kouzanov, à voir ce que ça va donner maintenant dans les prochains matchs. Bon, en tout cas c'est une victoire importante pour City après la défaite, la petite claque reçue au Parc des Princes, et puis pour City c'est important de réintégrer ce top 4 surtout. Ouais, exactement, qui en plus s'enchaînera avec Arsenal ce week-end. Ouais. C'était deux gros qui s'amènent là pour City, et le premier bien réussi. Pour finir, 2-3 infos. Alors Nottingham Forest, la claque face à Bournemouth, Très mauvais résultat pour Forest qui suit plus la cadence d'Arsenal avec cette défaite. Large défaite en plus 5-0. Hein. La différence de but, ça fait mal. C'est vrai qu'ils ont, quand tu regardes autour d'eux, hein, Liverpool il est en plus 33, Arsenal plus 23, City plus 17, Chelsea plus 15, et eux ils sont à plus 6. Hein. C'est vrai que ça fait mal. Ouais, c'est peu, effectivement. Pour un troisième, ça fait très peu. Tottenham aussi qui s'incline à nouveau. C'était face à Leicester dans un match de mal classé maintenant, parce que Tottenham est 15e. Attention, ils ont encore 8 points d'avance. Un peu de marge avec Leicester, mais Leicester ça a repris 3 points du coup. Donc mine de rien, ça se rapproche aussi. Donc attention. C'est vrai que ça devient critique quand même pour Tottenham. Là, enfin, c'est inquiétant. Là, ça s'enfonce quoi. S'ils s'engluent là dans cette seconde partie de tableau, ça devient inquiétant. Ouais. Et puis United qui s'impose à Fulham qui revient 12e avec 29 points. Évidemment, c'est encore loin, mais ça grappille une place pour United. Le classement donc Liverpool 53 points, Arsenal 47 points, Forest 44 points, City 41 points, comme Newcastle d'ailleurs, et Chelsea perd deux places. Hein, c'est la mauvaise opération du week-end pour Chelsea qui est 6e désormais. Et on a dit United 12e. Tottenham 15e. Le programme de la semaine du week-end plutôt, on a dit à Arsenal City. Bien sûr, c'est dimanche à 17h30. Et mine de rien, si City s'impose, City reviendra à 3 points. Hein. Donc c'est important. Ce match. On reviendra à 3 points, ouais, c'est ça exactement. Et puis passerait potentiellement même devant Nottingham. Si Nottingham venait à perdre, enchaîne une nouvelle défaite, City pourrait monter sur le podium déjà entre guillemets. Donc c'est sûr que ça peut aller très vite. Et effectivement, c'est un, on le dit souvent, mais c'est sur ce match-là, par exemple, c'est malheureux vaincu quoi. Alors peut-être qu'un match nul, mais en tout cas, effectivement, pour l'un comme pour l'autre, il faut pas perdre. Exactement. Voilà. C'est un peu la seule affiche du week-end, on va dire. C'est ça. Après, voilà, il n'y a pas de grosse affiche. Forest jouera Brighton. Donc c'est pas gagné. Hein. Brighton qui est 9e. Pas toujours simple, mais mine de rien, Brighton vient de perdre ce week-end contre Everton aussi, donc ils sont pas dans une grande forme non plus. C'est ça. Ils sont 9e, hein, Brighton. Exactement. Et puis on n'a pas parlé, mais Southampton qui est dernier avec 6 points, hein, 10 points de retard sur son poursuivant, et 11 pour sortir de la zone rouge, donc pour Southampton c'est évidemment très compliqué. Presque cuit là. Ouais. Et joue Ipswich week-end, donc une défaite là, et là, ça. Rideau. Ça sera. Ah bah, rideau avec 13. Déjà 10 points. Alors, 13 points de retard. Je vois pas si on peut se relever de ça. En tout cas, voilà pour l'Angleterre. Donc, les matchs de ce week-end. On poursuit donc. Et on revient en France. Clôturer, alors que je regarde, les directs n'ont pas changé. Rapidement en national. Mauvaise opération encore pour Orléans battu. USO à Valenciennes 1-0. Orléans qui chute troisième, hein, enfin qui était déjà troisième, qui reste troisième. Heureusement, c'est que Boulogne de son côté deuxième a fait match nul également, mais c'est Nancy qui du coup fait la belle opération en gagnant à Concarneau et prend 3 points d'avance sur la deuxième place. Donc voilà, mes opérations comptables pour Orléans avec cette deuxième défaite d'affilée et sa deuxième match sans victoire. Pardon, il y avait un nul au match d'avant. Tenter de se relancer, réception de Rouen vendredi à 19h30 face au 13e. Donc là, il faut absolument gagner pour essayer de relancer quelque chose. La Ligue 2, Lorient reste le leader. Donc les Lorientais à la faveur d'une victoire face à Clermont 3-2. Metz qui reste deuxième, là aussi victoire face à Grenoble. Et puis le Paris FC de son côté a gagné face au Red Star, qui attend pas de changement sur les trois premiers. Mais Guingamp, Laval font des belles opérations en gagnant et en venant 4 et 5e. Et ce soir, je vous l'ai dit, Annecy Dunkerque, pensant à Dunkerque, si ça devait en rester là, eh bien, ferait une belle opération et reviendrait à un point du podium et même de la deuxième place. Et pour Annecy, ça peut être pareil, mais pour l'instant, il y a un but de retard pour Annecy à domicile. Et enfin, la Ligue 1, pour clôturer, avec cette journée, c'était la 19e journée. Ça a démarré donc vendredi avec ce Auxerre Saint-Étienne. Eh bien, c'est pas de vainqueur sur cette rencontre. Ça n'avance pas. Ça arrange personne. Ça arrange surtout pas Saint-Étienne, hein, qui reste à un point du barrage. Pas un beau match pour les deux clubs. Pas un bon point en tout cas. Non, ouais, c'est un match qui n'arrange personne, effectivement, tu l'as dit. Voilà, les deux équipes sont à l'arrêt au classement et voilà, c'est qu'il y a eu c'est un match assez ouvert quand même, mine de rien. Il y a eu des occasions de part et d'autre, ça a été assez serré quand même. Donc vraiment ce match nul est quand même logique au final sur la physionomie du match. Mais effectivement, ça n'arrange personne comptablement. J'ai quand même bien aimé Saint-Étienne globalement dans ce match. Ils ont eu quand même quelques occasions aussi. C'est dommage pour eux de ne pas avoir surfé un petit peu sur leur entre guillemets bonne dynamique du moment, dans le sens où je trouve qu'ils sont bien remis dernièrement quand même la tête à l'endroit et même plutôt les pieds à l'endroit, mais au final c'est un match nul vraiment très logique entre ces deux formations qui sont quand même relativement proches, même si je trouvais que Auxerre jusqu'ici avait quand même un petit niveau au-dessus, mais sur ce match-là ça s'est vraiment pas vu. Donc ouais, un match nul vraiment pas logique, mais pas d'autre mot. Samedi, Monaco reçoit Rennes avec l'espoir d'enchaîner après sa victoire face à Aston Villa en Ligue des Champions. Ça a été fait face à Rennes, qui était peut-être la meilleure victime, hein, avec une dynamique actuelle très compliquée. Et ouais. Voilà, Rennes qui a enchaîné, même si voilà, ils se sont fait un petit peu peur, hein, avec une réduction de l'écart de Rennes en fin de match, enfin, dans les 20 dernières minutes. Mais globalement, Monaco a maîtrisé son match et un très beau but d'Akliche aussi pour lancer le match. C'est ça, ouais, tout à fait. Ouais, c'est bien pour Monaco. C'est vrai que la Ligue des Champions les a bien relancés. Donc c'est vrai que c'est une bonne chose pour eux parce qu'ils ont perdu beaucoup, beaucoup de points quand même en championnat dernièrement. Et surtout après on va en parler après, mais la Belleville de Marseille, c'était important. Enfin là, à ce moment-là du match, ils ne savaient pas encore que Marseille allait perdre des points ce week-end. Mais effectivement, là, c'était important là maintenant de se remettre vraiment à engranger les points. Et c'est ce qu'ils ont fait. Effectivement, Rennes, je pense que ouais. C'était un petit peu la bonne victime, en tout cas en ce moment, à taper, entre guillemets. Donc c'est vrai que c'est un bon résultat pour Monaco. Victoire 3-2 donc face à Rennes. Lille, qui devait gagner pour rester troisième. Ils ont été perdre à Strasbourg. On avait parlé de Strasbourg, hein, qui avait embêté Marseille, ouais. Et qui était assez compliqué à jouer. Bah, ça s'est encore vérifié et ils ont même fait mieux parce qu'ils ont gagné, les Strasbourgeois, et qui fait tomber Lille. Vaincu depuis mi-septembre, hein, en championnat, et là ça fait deux défaites. Alors celle à Liverpool, elle est assez logique, celle-ci peut-être un peu moins pour Lille. Oui, elle y est beaucoup moins quand même, mais c'était un match ouvert, pareil aussi des deux côtés. Lille a eu des occasions, Strasbourg aussi, c'est vrai que c'est un match plaisant, mais c'est vrai que Strasbourg, comme tu l'as dit, a fait mal à l'OM, a fait mal à Lille ce week-end, donc c'est vrai que c'était une belle équipe de Strasbourg aussi, avec du beau jeu. Ils ont fait plaisir et Strasbourg, c'est quand même assez logique, malgré le fait que Lille aurait pu mériter aussi, pourquoi pas, de gagner, en tout cas d'arracher le nul, mais c'est une belle victoire de Strasbourg qui vraiment a fait un très bon match à la Meno à domicile ce week-end, et c'est logique quand même, et Strasbourg qui revient tranquillement dans la première partie de tableau. Ouais, sixième match sans défaite, hein, et ouais. Bah, ils sont à 3 points, mine de rien, 3 points de l'Europe, hein, maintenant. Donc beau. Ça peut aller vite. Hein. Ça peut aller vite, effectivement. Paris recevait Reims ensuite. Voilà, après sa victoire face à City, un petit match nul, un partout. Encore un Dembélé buteur, c'est vrai que ça fait plusieurs matchs où il marque. Mais voilà, ils se sont un petit peu endormis, les Parisiens, après l'ouverture du score, et du coup ça fait ce match nul. Bon, qui est pas, on le verra avec après la défaite de Marseille, mais qui est du coup pas. Il n'y a pas de quoi s'alarmer. Pas grave, il n'y a pas grave. C'est ça, exactement. Oui, pas grand chose à rajouter au final. Il y a eu un peu de remaniement. Il y a eu Zaïre Emery qui a été mis au repos, ouais. Plutôt en latéral droit. Aussi, Lee un peu plus bas sur le terrain, parce qu'il fallait faire jouer Ramos, Dembélé, puis Kvaratskhelia, du coup, qui a fait sa première. Oui, tout à fait. On l'a pas vu énormément, mais il n'a pas été si mal que ça. Il a quand même signé une passe décisive, hein, sur le but de Dembélé. Quand même, ça a signalé. Donc, pour une première, c'est pas mal. Donc, à voir ce que ça peut donner maintenant quand le PSG sera, entre guillemets, un peu plus à 100%, parce que peut-être qu'ils ont quand même perdu un peu de plume dans la globalité contre City en Ligue des Champions. Donc voilà, mais voilà, c'est un match où on peut pas ressortir grand-chose de la performance du PSG, même s'ils auraient quand même dû gagner ce match de par leur surdomination, mine de rien, dans ce match-là. Ils ont vraiment eu le ballon tout le long du match, ils ont eu beaucoup plus d'occasions, bien sûr, que Reims, donc trois fois plus, donc ils auraient quand même dû emporter ce match. Qui reste quand même leader, bien sûr, avec 10 points d'avance. Brest, évidemment, qui enchaîne, alors c'est vrai qu'il y a eu cette défaite en Ligue des Champions, mais qui enchaîne en championnat, hein, avec une troisième victoire consécutive. Cette fois, c'était à, au Havre, qui reste dernier hein, de ce classement. Et il s'enfonce. Hein. Et il s'enfonce, ouais. 1-0, victoire donc de Brest, qui revient aussi bah, un peu à l'image de Strasbourg, qui revient à deux points voilà, de Lyon, de Lens, qui sont juste devant. Et trois points précieux, même si ça n'a pas été peut-être le meilleur match de l'année pour Brest. Non, ça c'est sûr, ça n'a pas été leur meilleur match de l'année, mais ils ont quand même vraiment dominé ce match, ils sont allés chercher leur résultat, ils ont quand même tiré 17 fois au but aussi. Voilà, c'est une victoire logique face à une équipe du Havre de plus en plus fantomatique dans leur jeu, en tout cas dans leur match. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à en tirer de positif. Pierre Cadré, seulement. Ah, c'est ça seulement, donc aucune dangerosité. Hein. Bah, bien sûr, c'est pas suffisant. Et là, ouais, on le dit, ils sont rués dans la zone rouge et à cette dernière place de lanterne rouge. Donc effectivement, le Havre au contraire de Brest qui s'enfonce, et Brest ouais, qui revient bien en championnat et même chose qui se rapproche là de l'Europe, des places européennes en tout cas. Donc c'est une bonne chose, ouais, pour Brest en Ligue 1. Lyon, on s'est déplacé à Nantes. Il y avait l'occasion de rejoindre Lille avec 32 points. Et Lyon qui avait pourtant fait le meilleur début de match en ouvrant le score. Ils ont été frustrés en fin de match avec les Galiciens nantaises. Et voilà, ça a peut-être aussi, bah, ce match nul, précipité le départ on en a parlé, de Pierre Sage tout à l'heure. Ouais. Ouais, bah, c'est vrai que c'est regrettable encore pour Lyon parce que ils avaient vraiment dominé cette première période où ils ont marqué d'ailleurs au bout de 10 minutes de jeu grâce à Nwama, mais ils ont pas su, entre guillemets, se mettre à l'abri assez tôt dans ce match et ce qui fait que Nantes a poussé après en seconde période, notamment dans la dernière demi-heure de jeu, et il a fallu attendre voilà la 90e minute pour voir Mustapha Mohamed égaliser pour Nantes, et Nantes qui aurait même pu presque arracher la victoire dans la dernière minute. Hein. Ils ont une grosse occasion, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Malheureusement pour eux, bien sûr. Mais Lyon, ouais, perd des points, et c'est vrai qu'ils enchaînent là les mauvais résultats, toutes compétitions confondues. Effectivement, c'est... C'était la goutte d'eau de trop entre guillemets pour Textor et pour mettre de côté Pierre Sage, et voilà, c'est vrai que c'est un résultat à nouveau moyen pour Lyon dernièrement dans ces dernières semaines. C'est mal, et c'est vrai que ça fait quand même encore des points perdus, même s'ils sont voilà, à 3 points de la 4e place, à 4 points seulement du podium. Donc évidemment, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'était peut-être un peu abusé, ouais, quand même de mettre de côté Sage dès maintenant, enfin comme ça, alors qu'il n'y a pas eu un enchaînement non plus de mauvais résultats, voilà. Voilà, mais bon, c'est vrai que Lyon aurait quand même dû s'imposer dans un match comme ça, ça c'est sûr. Lens recevait Angers, ensuite, bah, belle opération de Lens, hein, puisqu'il y a eu ce match de Lyon, la défaite de Lille, et c'était l'occasion était belle de gagner pour se rapprocher de ces équipes-là, et bah ils l'ont réussi, les Lensois, avec un but de Frankowski une nouvelle fois, et qui se rapproche un petit peu plus de l'Europe avec cette victoire face à Angers qui reste 13e. C'est ça, ils ont marqué après le retour des vestiaires, après la pause, 50e but de Frankowski. Ils n'avaient pas montré grand-chose en première période et ils ont su s'en mobiliser à la pause et puis nous proposer une seconde mi-temps de meilleure qualité. Voilà, donc ils reviennent à égalité au classement avec Lyon. Donc ouais, ils sont juste 7e derrière. Ça se joue au goal average, donc c'est vrai que c'est une bonne victoire pour Lens, contrairement à Angers, voilà, qui est vraiment dans le ventre mou là, de ce classement. Qui n'a pas montré énormément de choses en jeu dans ce match-là, si ce n'est rien. C'est qu'une occasion, deux petits tirs. Voilà, c'est vrai que Lens aurait pu gagner un petit peu plus largement, mais c'est vrai qu'Angers sur ce match-là a été pareil, assez fantomatique. On a ensuite Montpellier qui enchaîne, hein, une deuxième victoire après victoire à Monaco face à Monaco la semaine dernière. Deux victoires en deux semaines, c'était autant que depuis le début de saison pour les Montpellierains. Cette fois, c'est à Toulouse. Et sa première à l'extérieur. Et première extérieure, ouais, à Toulouse, qui du coup, voilà, c'est un peu dommage pour Toulouse, hein, qui aurait pu suivre la cadence de Brest, de Strasbourg, et qui reste tout juste 10e. Et pour Montpellier, est-ce que c'est le début de quelque chose pour Montpellier, début d'une remontée? Bah, je leur souhaite, en tout cas, je leur souhaite. Je le disais encore tout à l'heure, moi, ça fait des semaines que je n'y crois pas trop du tout pour Montpellier. J'espère me tromper pour eux. En tout cas, moi, ça reste un club qui est en Ligue 1 depuis plusieurs années maintenant, des années quand même. C'est quoi, c'est au moins une dizaine d'années qui sont en Ligue 1. Oh oui, ça commence à faire un moment, ouais. Ouais, c'est dans les années 2000 qui sont montés en Ligue 1, je crois. Voilà, enfin... Oui, c'est redescendu, je crois, dans les années 2000 en Ligue 2, il me semble. Tu m'as trouvé ça, vite trouvé ça. Il me semble. Enfin, bref, mais donc ça reste un club qu'on est habitué à voir en Ligue 1 depuis très longtemps maintenant. 2009, ah, le retour. Qui sont remontés, ouais. Ouais. Et tu vois, ils ont été champions en 2012 de Ligue 1. Ouais, exactement. On s'en rappelle de cette saison-là. Après, oui, pour Toulouse, c'est dommage aussi, oui, de pas suivre un petit peu ses compères brestois, strasbourgeois, effectivement, de pas suivre cette cadence-là. Mais en tout cas, ouais, c'est peut-être le début de quelque chose pour Montpellier. Je suis pas certain non plus parce que le groupe n'a pas changé après avoir. À voir, mais pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas vu non plus, même depuis l'arrivée de Gasset, de grands changements non plus. Alors, peut-être juste pas des coïncidences, mais des circonstances qui font que. Mais en tout cas, c'est quand même bien pour eux, effectivement, pour la confiance et pour tout ça, de se montrer qu'ils peuvent enchaîner les bons résultats et les victoires. Donc, ça reste une bonne chose qu'on peut lier. Peut-être que ça peut amener, oui, quand même, une bonne dynamique pour eux. Ils ont plus qu'à 2 points du barrage, donc et 3 de la pour sortir de la zone rouge. Donc ça peut relancer quelque chose. Ça a marqué à nouveau en Ligue 2, Dunkerque mène 2-0. Fait le break face à Annecy. Et puis en Italie, ça a aussi bougé. Le Genoa mène 1-0 face à Monza. Et enfin, Nice-Marseille qui terminait la journée. Et c'est Nice qui fait la belle opération en reprenant la 4e place de Lille. Et en se rapprochant de Marseille, Marseille en revanche, ça laisse filer Paris et ils voient revenir Monaco à 3 points. Là, ça fait 2 matchs sans victoire pour Marseille. Ouais, très mauvais match de l'OM, franchement, contrairement à Nice qui a été vraiment. Un des plus mauvais matchs depuis longtemps, ouais, c'est vrai. Ouais, franchement, j'ai presque envie de dire que c'est presque le pire match de la saison pour l'OM. En tout cas, on a vraiment rien vu de bon quasiment de côté marseillais. Ça a commencé très tôt, hein, dès la 7e minute, avec cette ouverture du score et cette triple boulette presque de Brassier qui loupe le ballon 2 fois, enfin qui pareil le ballon, enfin le tir de Guessant est assez mou et au lieu de se jeter comme il pouvait de tacler pour essayer d'empêcher le ballon de rentrer et de franchir la ligne, il va essayer de l'arrêter le ballon derrière la ligne mais sans se jeter, tu vois. Alors ce qui fait que il a pas pu la sauver déjà, mais même s'il l'avait sauvé à la limite, c'est pas ce qu'il fallait faire parce que si tu l'arrêtes devant la ligne, derrière, il y a l'attaquant qui arrive derrière. C'est ça, tu lui fais pas l'attaquant qui arrive derrière, il a juste à pousser le ballon, donc c'était pas non plus. Non, quitte à mettre un CSC un contre son camp, jette-toi, tacle, fais ce que tu peux et essaye de la dégager sur le côté comme tu peux et voilà. Donc c'est pour ça que je parle quasiment en tout cas double erreur, ça c'est sûr, de Brassier sur ce but-là, ça c'est une certitude. Et on peut même presque parler de triple erreur à cause de ça. Après, mais Brassier a fait un mauvais match, notamment avec ça, qui ne l'a pas aidé pour la suite. Après, j'ai trouvé plutôt Balerdi, plutôt bon quand même dans ce match-là. Même Murillo, hein, qui à la base est quand même latéral droit, on le rappelle, qui est maintenant plus axial dans cette défense à 5 avec les pistons Merlin, Luis Enrique, mais Murillo, je le trouve pas trop mal, parce que en même temps, il s'adapte aussi à ça, donc à cette défense à 3, enfin à 3 axiaux. J'ai pas trouvé trop mal, même si c'est lui qui se fait un peu prendre sur le second but de Mohamed Ali Chou. Mais globalement c'est l'équipe entière, hein. Rongier, Højbjerg, ils ont vraiment rien apporté au milieu de terrain, enfin si ce n'est un peu jouer à la baballe devant la défense ou Greenwood a été fantomatique, Mopet même chose, Rabiot pareil, enfin c'est vraiment un ensemble collectif là qui à part Rouli dans les buts qui a fait quand même plusieurs sauvetages qui a été encore une fois très bon oui dans les buts, donc parce qu'il nous sauve d'autres occasions aussi, hein, ça aurait pu être un peu plus corsé pour l'OM, donc en tout cas un très bon match de Nice aussi que je tiens à saluer, avec un gros match encore une fois aussi du capitaine Danté qui a quand même 41 ans le monsieur, quoi. Le mec a 41 ans et il sort encore toujours là. Alors, peut-être pas parler de masterclass, mais il a quand même fait un gros match et il a été très très bon, donc un match plein de Nice, dommage qu'il n'ait pas pu montrer quelques fois ce visage-là en Coupe d'Europe cette saison. Mais en tout cas, là, sur ce choc-là, c'est 3 points importants pour eux parce que, ils sont plus qu'à 1 point de Monaco, 1 point du podium. Donc, exactement. Donc, ça se rapproche pour Nice, ses places européennes, en tout cas. Enfin, ses places avec des champions, ils sont dans, en tout cas. Ils sont 4e. C'est ça, dans les barrages. Et donc, Paris, 47 points. Marseille, 37 points. Enfin, les 10 points sont là. Monaco, 3e, 34 points. Grappille, des points sur Marseille. Manisse, 33. Lille, 32. Et puis, on a Lyon, Lens, on l'a dit à 30. Et puis plus bas, on a Saint-Etienne, Nantes 18, Rennes 17, Montpellier 15 et Le Havre 13. Voilà, qui est maintenant l'équipe qui ferme cette marche. Les résultats du Lotto Foot, alors pas bon, hein, encore. C'est une... J'ai quoi, j'ai eu 3 points, moi, je crois. Pardon, c'est une habitude, cette chanson. 2 points. Ah ouais? Monaco et Lens. Eh oui. Bah non, parce que j'ai eu bon, Nantes-Lyon, j'avais une match nul, moi. Ah oui, pardon, j'ai oublié un point. Ah oui, non, bah, c'est moi. C'est vrai qu'il y a une, il y a eu nul. Non, bah, 3 points. Et pareil, bah, pareil pour moi. J'ai juste rajouté le victoire de Brest à Wav, moi, qui m'a sauvé. Mais pour le reste, pas bon encore, hein. Bon, il y a eu des surprises, hein. Lille qui perd, évidemment. Paris qui gagne pas. Lyon aussi. Marseille qui perd, Lyon qui gagne pas. Ouais, c'est, ça c'était pas simple. Bon, 3-3, pas de vainqueur, hein, cette fois-ci, sur cette journée. On va se refaire peut-être sur la 20e journée. C'est maintenant qu'on pronostique cette journée. Avec vendredi, d'abord Montpellier qui reçoit Lens à 20h45. Montpellier 17e qui se relance. Peut-être. Ah, bon jeu de mots. Oui, t'as vu. Magnifique. C'est bon. Qui se relance et peut-être qui enchaîne face à Lens, justement. Qui est 7e. Mais non, moi je vais mettre Lens quand même. Hein. Qui. Bah, voilà. J'ai du mal à voir Montpellier encore une fois enchaîné. Maintenant, Lens qui a perdu Kouzanov, qui peut perdre Danso d'ici là au mercato aussi. Alors d'ailleurs, peut perdre des plumes comme ça. Alors ils ont refusé une offre, hein, je crois, importante. Hein, d'ailleurs, 22 millions d'euros a été refusé par une offre de Wolverhampton. Ouais. Et Rennes aussi, elle serait sur le coup, hein, depuis ce soir. En tout cas, qui s'est mis sur le dossier également, donc peut-être que ça peut bouger. Alors d'ici la semaine prochaine, peut-être, hein. Enfin, d'ici ce week-end. Bon, mais... c'est possible, hein, parce qu'en plus 31 janvier, ce sera les dernières heures du mercato. Ouais, exactement. Donc, c'est possible que. Puis c'est un peu dans les clous quand même, hein. Kouzanov, c'était quasiment sûr qu'il allait partir. On disait que ça allait être soit l'un, soit l'autre, et finalement, depuis quelques jours, on se dit que les deux pourraient finir. Enfin, même Danso pourrait aussi plier bagage contre une belle somme. Donc alors ils ont refusé là, oui, tu l'as dit, 22 millions, mais. Ils voudraient 25 millions, donc. C'est ça, donc alors ça peut largement être fait là durant ces 7 derniers jours, donc enfin ces 5-6 derniers jours là, mais. Non, moi je vais tenter le nul, moi. Ouais, c'est... Montpellier à domicile, pourquoi c'est pas mal. Et puis s'ils perdent un peu de. Ouais, donc j'irai match nul. Allez, ça peut être le coup de poker. Samedi, Brest, Paris à 17h. Brest est 8e. Paris bien sûr est leader. Et ça jouera mercredi pour tous les deux, hein. Mais bon, voilà, ouais. Ils ont le même temps de récup, mais moi je vais mettre Paris à l'extérieur. Hein. Même si c'est vrai, ouais, Brest va mieux avec ses 3 victoires consécutives, mais ouais, Paris devrait enchaîner. Brest joue le Real en plus, donc ça, ils vont peut-être lisser quelques plumes. Monaco, OCR à 19h. Monaco 3ème qui jouera aussi mercredi, bien sûr. OCR 11ème, voilà, qui reste sur les 5 derniers matchs sans victoire. Moi je vais mettre Monaco qui enchaîne. Ouais, moi aussi, je pense qu'ils vont enchaîner. Puis Auxerre est quand même dans une mauvaise dynamique en ce moment. Ouais. Ouais, je vais mettre Monaco quand même. À 21h, Lille-Saint-Etienne. Lille 5e, Saint-Etienne 15e. Lille pour moi, qui enchaîne aussi. Et qui jouera, bien je sûr. Je tente le nul, moi. Je tente le nul, justement. Pourquoi pas. Ouais, c'est vrai que Lille a un match important face à Rotterdam mercredi. Donc, mercredi, ouais. Et puis Saint-Etienne, ils sont sur 3 matchs en victoire. Enfin, même s'ils n'ont pas beaucoup gagné non plus cette saison, entre guillemets, mais... Mais je trouve qu'il y a un petit regain d'énergie, de trucs dans cette équipe stéphanoise et j'aime bien. Alors je peux voir le nul avec Lille, effectivement, qui peut perdre un peu d'énergie cette semaine. En Ligue des Champions, ouais. Dimanche, on a d'abord à 15h Toulouse-Nice. Toulouse est 10e, Nice 4e, hein, qui reste sur une belle dynamique. Toulouse, c'est un peu l'inverse. Mais Nice, il jouera jeudi, Nice, mais bon, Nice, c'est fini. Ouais, moi, je pense qu'ils vont se concentrer sur le championnat et je pense qu'ils vont enchaîner à Toulouse, les Niçois. Ouais, je mets Nice aussi. À 17h, ensuite on aura Rennes-Strasbourg. 17h15. 17h15 désormais, effectivement. Je fais bien de le dire. Rennes-Strasbourg, donc, Rennes qui est vraiment pas bien. C'est vraiment 4 défaites consécutives, 16e. Face à Strasbourg, qui est tout l'inverse. Hein. 5 matchs sans défaite. On l'a dit tout à l'heure. 9e. Moi j'ai bien un nul là-dessus. Parce que voilà, je sais pas pourquoi, mais parce que j'ai pas mis de nul et parce que Strasbourg ça va s'arrêter au bout d'un moment. Ouais, bah tu sais quoi, c'est presque pour ça que je vais mettre Rennes, parce que bah ça va peut-être recommencer Rennes quand même. Hein, ouais, ils vont bien gagner. Rennes, un petit 2-1 ou un 0, je sais pas. C'est possible. Bien Rennes. Ouais, c'est pas idiot du tout. Ensuite, on a Reims-Nantes. Reims 12e, Nantes 14e. Voilà, c'est vraiment à peu près le même classement. Ouais. 4 points quand même d'écart. Ouais, je vais te laisser parler parce que je sais vraiment pas. Là-dessus, tout peut se passer, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Alors, je vais mettre petit bras, je vais mettre match nul. J'ai failli mettre Reims, te dire Reims, mais ouais, je vais dire match nul. Moi, je vais dire Reims en revanche. Ouais, deux matchs sans défaite. Ah, ils ont fait un nul contre Paris. Ouais, ils peuvent se dire peut-être faire un coup face à Nantes. Nantes qui reste sur 5 matchs sans victoire, hein, par contre. Ouais. Avec 4 nuls consécutifs. Bah, Reims aussi. Et Reims aussi. Même 5. Même plus, je crois. Oh, je sais plus, mais enfin, en tout cas, oui, 5 sûr. En tout cas, 5 sur, ouais. Je sais plus ce que je voulais te dire. Oui, même plus que ça, ouais, ils ont même plus que ça. En 5, 6, 7 matchs sans victoire pour Reims. Ouais, ça commence à faire. Mais je vais mettre Reims qui se relance. Ensuite, on a Angers-Le Havre. Angers 13e, Le Havre dernier. Moi, je mets Angers, là, voilà, pas de problème normalement. Face au Havre, qui est vraiment plus faible. Même si c'est vrai qu'Angers reste sur une défaite à Lens. Mais avant ça, ils avaient gagné 3 fois quand même. Donc, ils sont pas si mal, les Angevins. Ah, je sais pas du tout quoi mettre, tu vois. Ah, c'est pas simple. Je vais suivre parce que j'ai fait quelques petits paris quand même sur quelques rencontres. Je vais te suivre pour assurer, entre guillemets, allez. De pas me faire avoir là-dessus. Je vais dire Angers. Et enfin, à 20h45, Marseille-Lyon. Deuxième contre le sixième, l'Olympico. Moi, comme j'ai pas mis beaucoup de nuls, je vais mettre un nul là-dessus. Je vais mettre deux partout. Alors, avec 4 buts à 2. Je vois pas Marseille refaire encore, malgré tout, un match sans victoire. Mais Lyon, il change de coach. Je me dis que ça peut peut-être les relancer. 4-2 pour toi? Oui, en tant que supporter marseillais, je ne peux pas mettre autre chose qu'une victoire, entre guillemets, sur ce match-là, en tout cas. Et j'ai envie de voir du spectacle. En plus, les Olympicos, c'est dernièrement, enfin, depuis 5-10 ans, c'est quand même souvent des gros spectacles. Donc, j'ai envie de mettre ça. Eh bah, ok, moi, je mets un nul, mais sans grande conviction, mais j'ai envie d'y croire au Lyon qui s'accroche, même si ça sera Marseille, on verra. On verra bien. Ok, tout ça, c'est noté. Et Lyon qui... Alors, ça peut aussi faire la différence. Lyon joue jeudi, hein. Et joue pour une qualif directe, donc c'est vrai qu'ils vont avoir un match de plus. Donc j'ai presque envie de changer. J'ai presque envie. C'est de vous qui voyez. Il y en a qui ont essayé. J'ai presque envie de mettre 3-2 pour Marseille, mais allez, je prends un risque comme toi sur les autres matchs. Allez, t'as pris des risques, j'en prends un là, allez, pour une fois. Ok, et c'est noté. T'as mis quoi? T'as mis 3-2? Non, je reste sur un 2-2. Ah oui, sur un 2-2, ok. Ouais, je reste sur un peu de panne. Ah, c'est pas tant risqué que ça, en vrai, enfin. Non, c'est pas risqué, mais c'est pas risqué, c'est vrai, parce que c'est très possible. Après, il y aura toujours la ferveur du Vélodrome pour pousser l'OM quand même. C'est toujours ça aussi, bon. Mais bon. Ouais. Après, Marseille au Vélodrome, on le voit même encore cette saison, c'est un peu compliqué parfois, donc bon. Ouais. Tiens, il y a une autre info transfert, on en a parlé 2-3 infos là. Monaco qui a trouvé un accord avec Eric Junior Dida Mbimbe, joueur de Francfort, pour un prêt. Ah, l'ancien Parisien. Ouais, pour un prêt avec option d'achat. Un prêt de 1 million d'euros avec option d'achat qui est pas obligatoire de 10 millions, voilà. Donc c'est fait. Il y avait Marseille qui était aussi sur le coup, mais c'est Monaco qui a priori aurait remporté la mise. Donc ouais, il a 24 ans et il a quitté Paris, tu l'as dit, ouais, 2022 avec des prêts notamment au Havre à Dijon. Donc il sera en prêt pour jusqu'à la fin de saison avec Monaco. Voilà, il n'y a pas grand chose encore du côté des transferts. On verra peut-être que ça bougera pour on l'a dit, Danso d'ici la fin de semaine. Tiens, juste avant de se quitter, on est à l'heure, à 20h32, on peut le dire qu'on est à l'heure. Juste pour finir, il y avait le tirage de la CAD aussi ce soir. T'es encore là, hein? Oui, je suis encore là. Je t'entendais plus, je croyais que ça avait encore coupé. On a eu qu'une coupure ce soir, c'est presque bien. Ouais. Très rapidement, le Maroc, donc organisateur, qui aura le Mali, la Zambie et les Comores dans son groupe. Et puis on aura un Côte d'Ivoire, Cameroun dans le même groupe. Aux côtés du Gabon et du Mozambique. Voilà les principaux résultats de ce tirage au sort. Cette semaine, on l'a dit, hein, Ce sera les multiplex de Ligue des Champions mercredi à 21h et de Ligue Europa jeudi à 21h aussi. Donc pour des enjeux, on l'a dit, hein, pour Lille se qualifier directement, Monaco aussi qui pourrait le faire, pour Paris va remonter un petit peu, pour Brest il y a aussi des possibilités, alors, face au Real ça sera compliqué mais pourquoi pas. Et ensuite on aura bien sûr les championnats tout le week-end, on a parlé tout à l'heure. Et puis de la Ligue 1, bien sûr, on en a parlé à l'instant. Et l'USO reçoit, je vous l'ai dit, vendredi, il reçoit, je ne sais plus qui, mais il reçoit, ça c'est sûr, à 19h30 à domicile, Rouen. Voilà, ce sera la source pour ceux qui veulent y être. Donc à domicile. Voilà pour la semaine foot. On aura au tennis, il y aura très peu de choses. Je vous l'ai dit, on aura Montpellier en tournoi de la semaine principale. Mais voilà, pas du gros tournoi. Le début de tournoi d'assignation en rugby, bien entendu. France-Pays de Galles, c'est vendredi à 21h15. Voilà l'ouverture de ce tournoi pour notre 15 de France. En rugby, toujours, il y aura le déplacement du RC Orléans qui se déplacera. Je ne sais plus où, mais ce sera dimanche, ça c'est sûr. Pour l'URCO. En basket, la Pro B, deux matchs pour Orléans cette semaine. Demain, c'est demi-finale retour de la Leaders Cup face à Rouen pour essayer de se qualifier pour la finale. Il y avait une victoire à l'aller, donc pour l'instant, la moitié du chemin est fait. Et puis en championnat, 22e journée, réception de Aix-Maurienne, donc samedi à 20h. Voilà, toujours à Comet Arena, avec, on espère, se relancer après deux défaites consécutives. Voilà pour le basket et pour le hand, bien entendu. C'est la dernière semaine de des championnats d'Euro du monde, avec peut-être, on l'espère, un titre pour notre équipe masculine, qui est en quart de finale demain soir déjà, qui jouera face à l'Égypte à 21h. Et puis on espère une demi-finale vendredi et la finale dimanche, on l'espère bien sûr, pour un nouveau titre mondial pour cette équipe de France. Voilà, vous savez tout pour cette semaine, plein de choses. Encore, et les directs, on va se quitter avec la victoire probable de Dunkerque, puisqu'il reste quelques secondes, et voilà, on est dans le temps additionnel 2-0, face à Annecy, qui se rapprocherait à un point du podium. Ce serait une très belle opération pour Dunkerque qui se dessine. Celta Vigo qui a égalisé, donc sur la pelouse d'Alaves, un partout, il reste 20 minutes, et puis en Italie, pour l'instant, c'est le Genoa qui a fait le break 2-0. Il reste voilà, quelques petites minutes, donc voilà, c'est bien parti face à Monza, face à la Lanterne Rouge, pour s'imposer. Voilà pour les directs que vous pouvez suivre jusqu'à la fin de cette soirée. On va se quitter avec un tout dernier son et on se retrouvera. Alors, on se retrouvera pas la semaine prochaine, malheureusement. Donc, on se retrouvera dans 15 jours. Voilà. Mm-hmm. Et voilà, donc dans 15 jours, dans 15 jours, ce sera les vacances ce sera les vacances scolaires, je crois. Ce sera les vacances scolaires le 10 février, mais on sera on sera là bien entendu, hein, à 20h30 comme d'habitude. Donc pas de d'émission la semaine prochaine, mais rendez-vous dans 15 jours. On se quitte avec Queen et I Want to Break Free pour finir la soirée. Hugo, merci encore. Rendez-vous dans 15 jours. Merci. À dans 15 jours. Alors ouais, ça marche. Bonne fin de soirée à vous. Bonne semaine. Et vive le sport. Et vive les clubs français. Allez, les clubs français de cette semaine. Ciao, ciao. Bonne semaine. side.